Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Vous le savez, à partir de 19h tous les vendredis depuis 13 ans, c'est l'émission Mavrika. Albino est là pour vous présenter donc encore un univers différent, un artiste, des artistes, puisque c'est un groupe, mais il est représenté ce soir par une seule personne. On a 3 heures pour en parler ce soir, donc on va passer beaucoup de blues. Et on a commencé cette émission déjà avec un peu de musique, des artistes qui sont venus il n'y a pas très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Comme par exemple Max de Giovanni avec le titre Allez viens, on avait commencé cette émission avec ça. Ensuite, on a écouté Odeon avec Résilience, un groupe qui était chez nous il n'y a pas très longtemps aussi, qui nous avait présenté leur dernier album. Et à l'instant, c'est tout nouveau, c'est tout chaud, c'est la première fois qu'on le passe dans l'émission d'Enrica, il vient tout juste de sortir, c'est The Twangy and Tom Trio. Le morceau s'appelle Full Moon, et c'est tiré d'un album, c'est un trio. Mais on le sait depuis quelques temps déjà qu'il y avait 2 contrebassistes, maintenant apparemment il n'y en a plus qu'un, mais par contre il y a un batteur. Donc aujourd'hui, ils sont finalement 4, c'est pour ça que l'album s'appelle Finally 4. Voilà, on est dans l'émission de Mavrika. Aujourd'hui, c'est une émission consacrée à un groupe de blues. Donc, le groupe s'appelle Sugar Cane. On a beaucoup de temps pour le découvrir. Donc, j'ai mon invité qui est là. Il se prépare. Aujourd'hui, c'est la 514e édition de l'émission Mavrika. Donc, restez avec nous jusqu'à 22h. On a plein de bonne musique à écoutez, et puis justement, juste après, on va vous faire découvrir un groupe qui est de Rennes. On a déjà diffusé des morceaux. Régulièrement, ils nous envoient leurs morceaux. Il s'agit du groupe Les Frères Tyrans. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Alice et Jojo. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. En se levant tôt. Alice, les artistes font grève et c'est cocasse. Jojo, ce soir, étend les grilles, le spectacle est suspendu. Dans la rue, ça affiche complet. Alice s'approche, elle joue des coudes, traite à la main, Jojo l'appelle. C'était donc les frères Tyrans, un groupe de Rennes qu'on n'a pas encore eu l'occasion de recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais qui sait, peut-être dans les mois, dans les années qui viennent, on aura l'occasion de les avoir ici. En tout cas, ils nous suivent depuis quelques temps. Donc, s'ils nous écoutent ce soir, vous savez que vous pouvez nous écouter partout dans le monde grâce à radio-arc-en-ciel.fr, sur Internet, hein, tout simplement. Vous tapez cette adresse et vous pouvez nous écouter vraiment partout. Sinon, sur la région orléanaise, c'est le 96.2 MHz en FM et en stéréo. On parle un petit peu comme dans les années 60. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un invité ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il représente le groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, le groupe Sugar Cane. Il s'agit de Marc. Salut Marc. Bonjour à tous. Je vais régler les micros en même temps, parce qu'on fait tout à l'arrache dans l'émission américaine. Donc voilà. Alors toi, tu es de quelle région déjà? Tu vas nous rappeler. Alors on est de Grenoble, hein, de la région de Grenoble. Voilà, ouais. La proche banlieue grenobloise, quoi. Très bien. Et tu es venu dans la région orléanaise parce qu'il y a un événement aussi. Voilà, alors on devait tourner là toute la semaine qui vient, on devait jouer dans plusieurs lieux de la région. Malheureusement, la vie nous a un peu rattrapés, nous pas tellement, mais en tout cas l'épouse du guitariste est tombée gravement malade. Du coup, il s'est pas du tout senti de la laisser là à 2 semaines de partir. Il a préféré dire bon allez, il vaut mieux que je reste auprès d'elle. Du coup, on est obligé de décaler ce projet. On devait jouer à Blois, on devait jouer au Café de la Mairie, à l'AI, voilà, et puis dans d'autres lieux. Ce n'est que partie remise, mais là, pour le moment, c'était vraiment pas le moment. Quoi. On comprend très bien. Donc, forcément, il y a des choses comme ça qui nous rattrapent et puis qui... On peut pas faire autrement. Et ben justement, il y aura prochainement donc des nouvelles dates. On va attendre déjà que là la vie reprenne son cours et on lui souhaite un très bon rétablissement. Merci. Mais en attendant, ben on est là pour découvrir le groupe quand même. Allons-y. Le groupe s'appelle Sugar Cane. Voilà, j'essaie de pas l'écorcher. Sugar Cane. J'essaie de le dire en plus très petit peu l'américaine, l'anglaise ou je sais pas exactement quel accent. En tout cas. C'est un groupe de blues, hein. C'est comme ça que on peut le présenter. Oui, alors c'est blues, bien sûr, et c'est au sein du blues, c'est un peu comme le rock, hein. Il y a des tas de familles, etc. Donc au sein du blues, c'est plus proche de ce qu'on appelle le Mississippi blues. Et le Mississippi blues a cette particularité de se jouer souvent sans guitare basse. Ce qui est notre cas, du coup, nous sommes trois, nous sommes un trio, guitare, harmonica et batterie. Et charge à nous de pallier les fréquences basses, forcément, puisqu'on en a quand même besoin pour pulser dans la musique, pour sentir ce qui se passe. Voilà, donc c'est un peu l'exercice. C'est souvent joué dans le Mississippi, là-bas, souvent ils jouent en duo, guitare-batterie. Mm-hmm. Le grand maître absolu en ce moment, c'est Cedric Burnside, qui est le neveu de R.L. Burnside, un très grand bluesman, quoi. Et voilà, ils jouent à deux. D'accord. Très bien. Donc, ça chante et puis guitare batterie en avant. Quoi. Ok. Donc la particularité, c'est que justement, il y a pas de contrebasse ni de basse. Voilà. C'est ça. Un peu comme tout à l'heure, on écoutait un petit peu le rockabilly. Et c'est vrai que le rockabilly, lui aussi, il y avait pas de batterie à l'origine. C'était la contrebasse qui elle faisait le rythme. Tout à fait. Donc et aujourd'hui, heureusement, on évolue. La musique, elle aussi. Mais on aime bien aussi revenir aux origines et jouer dans les conditions avec les instruments d'époque et tout ça. C'est un peu votre cas, non? Alors, instruments d'époque, oui, c'est-à-dire que notre guitariste, il fabrique ses guitares. D'accord. Et qui sont ce qu'on appelle des cigar box, hein, c'est-à-dire, à l'origine, c'était vraiment des boîtes de cigares, hein, rectangulaires. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, il prend des boîtes qui ne sont pas forcément des boîtes de cigares, mais enfin des boîtes en bois qui s'ouvrent. Alors, il peut ouvrir sa guitare en deux, il monte ses micros, Il n'y a pas de cigares dedans. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et puis alors, ça a son des guitares qui auront 3 cordes, 4 cordes, 6 cordes, enfin, suivant les cas, et qui sont accordées en ce qu'on appelle en open, c'est-à-dire, voilà, tu tapes les cordes à vide, tu sors un accord open de sol. D'accord. Et donc, ça donne un son un peu particulier, et beaucoup de bottleneck, qui est ce petit tube métallique qu'on met autour du doigt pour glisser hein, sur les cordes. Voilà, ça se joue beaucoup comme ça. D'accord, donc vraiment le son vraiment en particulier avec des notes qu'on fait glisser quoi finalement, ouais, ça a une consonance. On l'a déjà vu pas mal de fois ici dans les studios avec différents artistes, on le retrouve dans pas mal de musique, mais l'origine elle est quand même là, c'était dans le Mississippi, le blues, c'est apparu en quelle année ce genre de musique? Alors, les origines ce sont les esclaves hein, qui derrière tout ça, le dimanche qui était leur seul jour de repos, faisaient un peu de musique entre eux. Avec des instruments à cordes, parce qu'ils n'avaient que ça, ils se fabriquaient ça avec un peu ce qu'ils trouvaient, hein, y compris des coquilles de tatou, là, tu vois. Enfin bref, vraiment, c'était très, très... Il fallait un manche, une caisse de résonance, voilà, et puis voilà. Hein, les premières contrebasses, ben, c'était des lessiveuses retournées avec un piquet en bois tendu, une corde attachée, et puis on tirait sur le manche, pour tendre plus ou moins la corde et faire sonner des notes différentes. Mais tout ça a démarré sur essentiellement des orchestres de cordes, en fait. C'était un peu curieux. Et j'arrive pas, moi, à mettre la main sur des enregistrements de ces choses-là. Je ne sais pas s'il en existe. J'en ai encore pas trouvé. Aujourd'hui, grâce à Internet, on arrive à trouver plein de choses. Mais, les enregistrements de cette époque-là, ils sont quand même assez rares. C'est-à-dire que on est fin 19e et... Il n'y avait pas encore d'enregistrement. Quoi. Bah oui, c'est ça. Du coup, après, je ne sais pas s'il y a eu des projets pour refaire vivre ces balbutiements du blues, en quelque sorte. Et puis, petit à petit, les guitares sont arrivées, puis les premières batteries. Ça, c'est plutôt côté Nouvelle-Orléans, hein, quand ils faisaient, notamment dans les funérailles, ils faisaient la fête. C'était une grosse fête, les funérailles, et il y avait une énorme grosse caisse, mais gigantesque. Et puis, quelques... tambour et puis les cuivres et puis etc. Et puis tout a démarré un peu comme ça et puis les premiers enregistrements sont ensuite sortis dans les années 20-30 voilà, on a commencé à entendre des choses, à graver des choses et ces gens-là ben ils gagnaient trois fois rien, on leur payait à boire hein, dans les bars où ils allaient, ils buvaient généralement tout ce qu'ils gagnaient. Il ressortait de là et il sautait dans le train, ben, le prochain train, sans payer de billet, bien sûr, il s'accrochait à l'arrière, et il descendait à la ville suivante, et puis il suivait comme ça, en fait, le chantier du chemin de fer. C'était le chantier de chemin de fer qui allait remonter jusqu'à Chicago. D'accord. Et c'est comme ça que le blues s'est répandu tout le long du Mississippi, jusqu'à Chicago, et maintenant, chaque partie de cette gigantesque traversée du pays a donné naissance à un blues un peu différent. D'accord, on apprend plein de choses, hein, c'est super intéressant. C'est parce qu'on sait tous plus ou moins que ça vient des États du Sud, blues, voilà, on sait que c'est les anciens esclaves qui ont amené leurs pattes, hein, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas d'instruments, ils n'avaient rien du tout, mais par contre, ils avaient cette chose qu'ils avaient eux ramené, ou alors leur père, leur grand-père, et donc ils chantaient dans les champs pour se donner de l'envie de travailler, parce que c'était des travailleurs, on les obligeait. Et donc, quelque part, ils avaient cette culture qui ne s'efface pas comme ça, même si on veut tout effacer, ils ont cette culture. Ils ont voulu la faire ressortir, et pour ça, il leur fallait des instruments. C'est pour ça qu'elle s'est enrichie au fur et à mesure, et aujourd'hui, bon, c'est vrai que le blues, le jazz, le rock, hein, ça tient ses origines de ça. Hein, voilà. Et c'est, encore une fois, moi je dis, c'est toujours le mélange des cultures qui enrichit toujours plus la musique, et pas que, hein, la culture en général. Voilà. C'est ça. Et il y a là-dedans l'influence des musiques africaines, hein, bien sûr, puisque ces gens-là étaient souvent originaires d'Afrique. Et tout ça s'est mélangé. Et il y a eu des projets de blues africain. Hein. Il y a, je crois qu'un. Oui, il y a aussi du retour qui se font en Afrique. L'Afrique, c'est très bien repris aussi, puisqu'ils ont aussi ce côté des origines. Donc voilà. Après, il y a des retours, il y a des mélanges qui se refont à nouveau. Voilà, la musique est universelle, on le sait. Mais bon, c'est vrai que le fait de la mélanger, de revenir aux origines, repartir avec tout ça, on ne fait qu'enrichir. Seule musique, on en fait un paquet. Et quand on parle de jazz, quand on parle de blues, ben, il n'y a pas un jazz, il n'y a pas un blues, il n'y a pas un rock'n'roll. C'est très riche. C'est ça. Et après, il y a chaque petite différence qui peut faire qu'on aime bien ce style-là pour telle raison, tel autre style pour telle raison. Voilà, et suivant les humeurs, on trouve toujours une bonne musique à écouter, quoi. Donc on écoutera, je pense, différents styles ce soir là, tout au long de l'émission. Ouais, parce que tu as apporté plein d'albums. Alors là, c'est toi qui as fait le programme. Hein. Ouais, bah, c'est très bien. Bah oui, parce que c'est plein d'artistes que je ne connais pas forcément. Moi, je suis là aussi pour apprendre. Hein. Je suis là aussi pour transmettre ça à mes auditeurs. Tous les auditeurs qui écoutent Radio Arc-en-Ciel peuvent dire aussi que dans l'émission Marika, ils ont sûrement appris des choses depuis des années. Et ce soir, on va approfondir un petit peu du côté blues. Et donc, Marc est là du groupe Sugar Cane. On va parler un petit peu du groupe déjà. Donc, le groupe Sugar Cane, il existe depuis combien de temps ? Alors, on s'est réunis il y a 5 ans. Moi, je quittais une autre expérience musicale qui n'avait pas grand-chose à voir avec le blues, qui y revenait toujours un peu, mais enfin, qui était un peu sur d'autres domaines. Et puis j'ai appris que les deux frères, puisque ce sont deux frères qui jouent avec moi, cherchaient un batteur et venaient de changer de batteur. Et je les ai rejoints pour une répétition, un essai en quelque sorte. Et ça a matché tout de suite parce que on est vraiment sur cette même longueur d'onde, cette même musique là. Donc quel que soit un peu nos parcours, nos histoires, nos vies qui sont complètement différentes, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. En fait, on se retrouve vraiment très fort sur cette musique-là. Et suite à la première répétition, c'est parti, on a enchaîné, et puis on a fait pas mal de concerts, pas mal de scènes, un disque, puis un deuxième qui est au mixage en ce moment. Oui, ça, c'est une belle aventure. Voilà, très bien. Justement, la musique, c'est quelque chose qui doit réunir les gens. C'est exactement le cas. Ça. Et puis, ce soir, on est réunis aussi avec les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, justement, pour parler de musique, de bonne musique. Et ils en ont l'habitude dans l'émission Mavrika. Donc, ce soir, Sugar Cane est l'invité de cette émission numéro 514. Voilà. Ce qu'on va faire, on va commencer par écouter un petit peu de la musique que nous a apporté. Comme ça va nous mettre dans le bain. Alors c'est moi qui ai choisi de mon côté, donc tu m'as dit voilà, il y a plusieurs albums. Alors pour commencer, on va peut-être parler du morceau de Luther Allison. Alors Luther Allison, très très grand, hein, très très grand du blues, qui a fait l'essentiel de sa carrière en Europe, qui a vécu une vingtaine d'années à Paris. Et parce qu'il y a toute une époque dans les années entre 70 et 90, on va dire, où le blues aux USA était un peu tombé en désuétude. Du coup, pour jouer, les Américains venaient beaucoup en Europe, en France, ça marchait bien, en Allemagne, ça marchait très très bien, dans les pays du Nordique également. Et Luther, il s'est installé à Paris, et c'était un gars d'une vivacité, d'une dynamique extraordinaire, que j'ai eu la chance de rencontrer, et qui était vraiment, qu'il joue pour 10 personnes ou 15 000, c'était absolument identique pour lui. Il jouait sa musique, et c'était vraiment un très très bel exemple. Il est malheureusement décédé il y a une quinzaine d'années maintenant, même peut-être plus que ça, d'un cancer, mais c'était un très très grand. Très bien, on va écouter un morceau donc. Alors le morceau s'appelle « All the King Horses ». C'est ça ? Pour le King's Horses, oui. C'est voilà, je l'ai dit à peu près bien. Oui, très très bien. Voilà. On écoute ce morceau et puis après on continue à discuter parce qu'on a plein de musique à écouter, plein de choses à échanger ce soir dans l'émission Mavrika. Et on écoute tout de suite Luther Allison. Voilà, ça donne tout de suite le ton. Hein. Le blues est apparemment, c'est un superbe guitariste. Franchement, là, c'est que du bonheur. Hein. Donc, le blues, je crois que ça parle à tout le monde. De toute façon, qu'on écoute les notes, l'accompagnement, et après, il y a la virtuosité des artistes. Et là, on voit franchement superbe voix, super musicien en général. Hein. Je regardais le travail de la batterie et tout ça, c'est quand même du super bon. Donc, Luther Allison avec un morceau qui s'appelle All the King's Horses. Voilà. Vous êtes dans l'émission Mavrika et ce soir l'émission est orientée vers le blues comme vous avez pu le voir. Alors on a plein de CD à découvrir. Moi je découvre en même temps que vous. Moi je suis un peu généraliste de la musique, mais je suis pas spécialiste. Mais là ce soir je crois qu'on va prendre une bonne claque avec de la très bonne musique grâce à Marc du groupe Sugar Cane. Tout se passe bien, Marc? Ben, ça va. T'as eu la main heureuse de sortir Luther Allison en premier. On l'a entendu. C'est un blues très énergique, ça. Ça, c'est typiquement représentatif du blues de Chicago. D'accord. Voilà. Ça, c'est les émules de Muddy Waters et tous ces gens-là, tu vois. Et là, on était sur un truc extrêmement, tu parlais du jeu de batterie. Quand tu écoutes le jeu de batterie, moi qui suis batteur, ça frappe dur, ça frappe sec, ça frappe clair. Mais c'est pas du tout timoré, hein. C'est vraiment, là, il y a beaucoup d'énergie, et quand on le voyait sur scène, c'est exactement ce qui s'en dégageait. Voilà, un type de blues, le Chicago blues. Très bien, donc on a encore plein de morceaux à découvrir, et on va revenir au groupe Sugar Cane, donc on va parler un petit peu des membres. Alors toi, tu es le batteur, comme tu viens de nous le dire, et tu vas nous présenter aussi les deux autres personnes, donc. Bien sûr, donc Willie est guitariste-chanteur. Nous jouons avec son petit frère qui s'appelle Steph. Et tous les deux sont également originaires de la région de Grenoble. Et ils ont toujours fait de la musique. Hein. L'idée originale, c'était de venir, bien sûr, tous les trois, et puis de jouer un petit peu dans le studio. Bon, évidemment, tout seul, ça va être un peu compliqué et pas très intéressant. Mais voilà, ce sont des musiciens que j'appelle naturels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une très grosse formation, il n'y a pas forcément des années de solfège ou quoi derrière. Il y a beaucoup de feeling, il y a beaucoup de naturel dans le jeu. Je crois que dans le blues, c'est le plus important, de toute façon, si on regarde bien. Je suis content que ce soit toi qui le dise, pas moi. Non, mais c'est vrai que quand on repense, bon, aujourd'hui, il y a plein d'artistes de blues qu'on connaît, qui sont réputés, et on sait que la plupart du temps, ils ont débuté, ils ne savaient même pas lire une note. C'est des gens qui ont appris parce qu'on leur a transmis. C'est une transmission qui se fait. Donc, c'est oral, c'est quelqu'un qui leur montre un accord, ils reprennent l'accord, le travail. Dans le blues, il y a aussi la manière d'interpréter. Un même accord peut être interprété de... C'est vrai que si on regarde bien, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Mais à chaque fois, c'est interprété différemment. Il y a toujours un peu plus tonique, un peu plus cool, un peu plus... Voilà, et tout est là-dedans, quoi. C'est le feeling. C'est très exact, hein, ce que tu dis. C'est-à-dire que un blues, on reconnaît toujours un blues. Quand on va en jouer différents types, mais on va toujours savoir que c'est du blues. C'est pas dans la difficulté de la musique où on se dit, attends, on est sur quoi là exactement? C'est de la world music, c'est du jazz, c'est ci, c'est ça. Non, le blues, on reconnaît tout le temps. Tu as absolument raison. Tout à fait, Par contre, la façon de le jouer et la façon de l'interpréter fait toute la différence. Et après, il y a quelque chose qu'on a déjà cité X fois ici dans cette émission, c'est à propos des artistes. Effectivement, des fois, il y a des gens, c'est des virtuoses, donc ils jouent plein de notes, ils font plein de notes, ils font des trucs pas possibles, mais quelque part, ça peut être creux. C'est-à-dire que voilà, le gars, avec ses doigts, il fait plein de choses, mais il n'y a pas le... Et puis inversement, un joueur de blues, des fois, avec quatre notes, il nous fait un morceau, et puis on reste... Voilà. C'est le feeling, c'est ce qu'on met dedans. Quoi, finalement, c'est le plus important. Pour quelqu'un qui se dit non spécialiste, je trouve que tu fais vraiment un résumé parfait de la musique. On en parle beaucoup. Et après, ça se retrouve dans le blues, mais pas que dans beaucoup de musique comme ça. Il y a des artistes, il y a des forcément, je parle dans la guitare, Jimi Hendrix, etc. Lui, il avait tout. Donc, voilà, il n'y a pas de rien à rajouter. Mais d'autres sont aussi forts que lui, mais il n'y a pas le feeling. Et inversement, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins forts, mais qui ont fait des tubes, qui ont fait des morceaux qui ont super bien marché parce qu'ils ont mis tout ce qu'ils avaient dedans, leur cœur, leur soul, voilà. Tout à fait juste, leur âme. Leur âme, ouais, voilà, donc ça. La soul aussi, c'est une musique qui vient aussi du blues. Voilà, toutes ces musiques-là qu'on connaît aujourd'hui, qui, voilà, sans les esclaves noirs américains, on ne serait jamais arriver à ça, ou pas tout de suite. Sans doute arriver différemment, mais en tout cas, voilà. Différemment, voilà. Cette histoire-là est belle, oui. Et depuis, justement, il y a aussi plusieurs sites différents, du fait de la géographie, c'est-à-dire qu'à tel endroit, on va jouer de cette manière-là, à un autre endroit, on va jouer ailleurs, d'une autre manière. Il y a les retours qui ont été faits en Afrique, il y a aussi le blues qui s'est exporté en Europe, comme tu disais tout à l'heure. Donc, forcément, il a toujours évolué, c'est toujours métissé à nouveau, et puis voilà, c'est ce qui fait la richesse et il continue parce que les nouveaux, je parlais de Cedric Burnside, peut-être on jouera un morceau de Cedric tout à l'heure, par rapport à son oncle, et c'est toute une famille de musiciens, les Burnside là du Mississippi, mais c'est plus la même chose déjà, ça évolue, ça vit et c'est tant mieux, c'est vraiment c'est magnifique, quoi. Je propose qu'on écoute un morceau de blues, mais cette fois-ci on va quand même parler de votre groupe, donc on va écouter un morceau aussi de votre groupe. Alors le groupe s'appelle Sugar Cane. Alors pourquoi avoir choisi ce nom? Alors on cherchait vraiment la référence Mississippi, Grand Sud, bah oui. Hein. Alors il y avait les champs de coton et puis il y avait la canne à sucre. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de choses déjà avec les champs de coton. On s'est plutôt tourné vers la canne à sucre et ça a donné Sugar Cane directement. Ouais, en plus c'est vrai que c'est un petit clin d'œil à plein de choses. Hein. Il y a Sugar Cane, ça revient assez régulièrement et même par exemple dans un morceau, c'est Brown Sugar des Rolling Stones. Voilà, oui. Le côté blues, ça vient, c'est quand même la connotation du blues. Ah, bah oui. Et Brown, c'est aussi la couleur du métissage aussi qui s'est fait. Donc on peut parler dans la musique, mais aussi dans les gens. Il y a des gens qui sont venus d'Afrique, d'autres qui étaient en Europe et qui se sont mélangés. Aujourd'hui, c'est pas une question de couleur. Le blues, c'est on le sent ou on le sent pas. C'est tout. Hein. C'est ça. Voilà. Donc quand on le sent bien, ben on peut le faire du super bon blues. C'est culturel. Moi je dis. C'est culturel. C'est absolument culturel. On revient, l'apprend et on vit dedans et ça donne envie d'en faire. Donc je suis sûr que toi tu en écoutes depuis très très longtemps. Je en écoute depuis toujours et j'en joue depuis toujours sans le savoir forcément. C'est vraiment. Oui, il y a une histoire, comme tu le disais, on le sent, et moi j'irai un cran plus loin, on le vit. C'est-à-dire que c'est un mode de vie, le blues. J'ai eu la chance de vivre dans le sud des États-Unis aussi, et pendant des années, j'ai côtoyé ces gens-là. Un bluesman, même des très grands, quand on les voit chez eux, dans leur maison, sous leur porche, ou etc., tous les jours, ils jouent le blues. C'est un besoin naturel, c'est comme manger, c'est comme boire et jouer le blues. Il peut y avoir plein de gens, il peut y avoir personne, c'est indifférent. Le gars va prendre sa guitare et il va chanter et il va jouer le blues. C'est la vie, c'est vraiment... Et je pense que c'est vrai de beaucoup de musique, ça. Par exemple, le reggae, je pense que voilà, c'est la musique cubaine. Si on n'a pas été impliqué dans ces cultures-là, si on n'est pas rentré dedans... Ok, on peut l'interpréter, le jouer, mais pas avec la même profondeur et pas avec la même signification que quelqu'un qui est baigné dans cette culture-là. Qui est né dedans. Ouais. Mais au contraire aussi, on peut justement être... Moi, des fois, je suis surpris par des musiques que je ne connaissais pas. Mais par contre, y a eu quelque chose s'est passé, il y a quelque chose que j'ai aimé. Bon, le blues c'est pas le cas parce que le blues j'en écoute depuis toujours aussi. Oui, voilà. Mais il y a aussi des découvertes qui font aussi la force de certaines musiques. C'est voilà, rien ne m'orientait vers cette musique-là et un jour je l'ai écouté et là j'ai eu une claque et j'ai envie de réécouter à nouveau et justement de connaître un peu plus. Voilà. Donc voilà, le blues, je pense qu'il s'est construit aussi comme ça petit à petit. Hein, donc oui. Et comme tu le mettais en avant tout à l'heure, c'est pas forcément des histoires de jeux de virtuoses ou de grandes démonstrations techniques. Le jazz a servi ça pendant un moment, hein, le free, etc. Là, c'était des trucs incroyables. Mais le blues, non, c'est vraiment tu sens la musique que tu joues. Ou pas. Et si tu ne la sens pas, vaut mieux pas la jouer parce que ça va pas être très très bon. Ça va être un peu plat. Et en plus, tu disais tout à l'heure, c'est la vie qui est dans la musique, mais aussi dans les paroles. Hein. Ils racontent des choses de tous les jours. C'est vraiment ce qu'ils ressentent. Voilà, un truc. Voilà, ça leur tourne dans la tête. Ils jouent avec les mots et puis hop, ça sort. Et un couplet qui sort et un refrain et les accords. Voilà. Donc le blues, c'est vraiment leur vie qu'ils mettent dedans. Donc c'est quelque chose de très ressenti. Ah oui. Donc, complètement comme ça. Très bien, donc on va écouter un morceau du premier album de Sugar Cane. Alors cet album, il est sorti quand ? Il est sorti en 2019, donc on a enregistré ça dans la région de Grenoble, là, chez Eric Thiévon, qui est un très fort batteur de la région. Et c'est, voilà, c'était un peu le plaisir de combiner, de mettre ensemble toute l'énergie qu'on avait eue, toutes les premières compositions qu'on avait faites, puisqu'il y a à peu près moitié de compositions personnelles dans ce premier album-là. Il y en a plus dans le deuxième, mais... Et puis, aussi faire référence à quelques grands classiques, parce qu'il y a quand même des morceaux, on peut dire incontournables, en tout cas, on n'est pas obligé de les jouer tous les soirs, mais en tout cas, on les connaît. Dans tous les cas, on les connaît. Et souvent, un jam de bluesman, ça finit par, tiens, on joue ça, et il y a 50 titres standards. Qui sont absolument incontournables, et tout le monde part dessus, et ça marche très bien, quoi. Ouais, et puis justement, il y a dans le blues, je vois par exemple des versions d'une chanson qui a été faite des milliers de fois, et à chaque fois c'est différent, parce que il y a aussi le côté impro. Voilà, sur le moment on l'interprète comme ça, on l'interprète le lendemain, il est déjà légèrement différent. Il y a le côté vivant aussi du blues. Oh oui, complètement. C'est la vie. Complètement. Alors le morceau qu'on va écouter, c'est tiré de cet album qui s'appelle You Let Me Go, et le morceau s'appelle Hobo Blues. Et ben Hobo Blues, c'est donc l'histoire qu'on racontait tout à l'heure de ce gars qui remontait le long du chantier de chemin de fer. On les appelait les hobos. Donc ça, c'est le blues des hobos. C'est le hobo blues. Hobo blues. Donc on écoute tout de suite Sugar Cane. Listen to me. On a écouté deux morceaux à la suite, donc on a commencé par le groupe invité de ce soir, donc représenté par Marc, le batteur. C'est le groupe Sugar Cane qui nous vient de Grenoble, et on a écouté un morceau qui s'appelle Hobo Blues. Donc on a découvert ce que voulait dire le nom Hobo. Donc voilà, c'est encore quelque chose qu'on apprend dans l'émission Mavrika. Et on va écouter d'autres morceaux, hein. Donc le nouvel album, il est en mixage, en enregistrement. L'enregistrement, je crois qu'il est fait, il est en mixage, donc il n'est pas encore là. On va prendre le temps de découvrir plusieurs morceaux de cet album qui était sorti en 2019. Il faut quand même pas remonter trop loin quand même, qui s'appelle You Let Me Go. Et puis on a écouté aussi un autre artiste. Alors toujours, j'ai sélectionné dans les... J'ai encore eu la main heureuse parce que c'était encore un superbe morceau. Donc c'est Shelwyn Birchwood. Voilà. Donc le morceau s'appelle Addicted. Et je crois que là, quand on écoute de la musique comme ça, on peut l'écouter à longueur de journée, ça fatigue pas, quoi. Voilà. Alors, et en plus, c'est la pêche, hein. Ouais, lui, c'est un jeune, lui, hein. C'est la génération montante. Enfin, bon, il est bien installé maintenant, mais. Et puis là, avec des basses qui viennent un peu du funk aussi. Un peu, hein. Du funk, hein. Il y a quand même un mélange, voilà. Ouais. Donc là, on sent beaucoup les influences. Bon, c'est un gars de la côte ouest, tu vois, c'est encore un autre type de blues avec pas mal de cuivre, un peu plus funk. Ouais, c'est vrai, il y a le petit côté funk, mais bien, on reconnaît quand même le blues, la guitare, la manière de l'interpréter, tout ça. Et en plus, c'est vachement frais, donc c'est encore un artiste qu'on a envie de découvrir un peu plus, parce qu'en France, finalement, on connaît pas tellement les musiciens de blues, hein, c'est ce qui est un petit peu dommage. Oui, après, il faut s'y intéresser, hein. Alors, ça joue moins que ça a joué à une époque. C'est vrai qu'il y a, un petit peu moins de concerts, de grands concerts de blues, disons. C'est plutôt l'Allemagne et l'Italie, là, hein, qui sont très, très bien placés pour tous ces concerts-là. La Suisse aussi. Donc, de temps en temps, il faut qu'on traverse la frontière pour aller faire des beaux spectacles. Bah, quand ils se donnent la peine de traverser l'Atlantique pour venir jusqu'ici, on peut quand même traverser une petite frontière pour aller chez nos voisins européens. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous accueillons aussi un autre invité. Salut David. Salut Albino. Oh là, ton micro est super fort. Super fort. Alors, c'est marrant, il y en a, ils sont à fond. Ils sont à fond et puis ils donnent pas tellement fort. Et d'autres, ils sont pas trop forts, mais ils donnent à fond. Mais voilà. C'est parce qu'il n'y a pas de bonnette, certainement. Oui, ouais, mais il n'y a pas que, hein, les réglages sont complètement différents d'un à l'autre. Bon, c'est pas bien grave. On arrive toujours à s'en sortir dans l'émission Mavrika. On s'en est toujours sorti. On n'a jamais maltraité personne. Tout le monde est sorti vivant jusqu'à maintenant de l'émission. Donc, oui, il n'y a pas eu de mort, à ma connaissance, non. Alors toi, David, t'es venu nous faire un petit coucou? Un petit coucou en passant par là. Et je suis arrivé à la bourre parce que, figure-toi que, chose extraordinaire, j'étais en train d'enregistrer. Et j'ai posé ma guitare, et puis tranquillement, machin, hein, et puis Jamie, elle me dit, tu vas à la radio, ça? Ah oui, t'avais oublié. Et en plus, avec les nouveaux horaires, toi qui n'as pas l'habitude. Bah ouais, dis donc. Alors donc, voilà, j'ai couru. En plus, c'est tellement... On se croira à Paris, hein, à Orléans. Oui, de plus en plus. Il y a des travaux partout. J'ai l'impression que c'est Hidalgo qui a pris le pouvoir. Enfin, bref. Non, mais je te rassure, quand je vais à Paris, c'est encore pire. Ah bah oui, je vois pire. Et ben encore pire. Oui, ben je sais bien, je sais bien. Donc je suis venu en auto vite fait, et puis j'ai écouté un petit peu vos propos tous les deux là sur le blues. C'est une musique effectivement qui réunit beaucoup de monde, hein, qui réunit les rockers, qui réunit le country, qui réunit tout le monde en fait. Hein. Et comme dirait Jamie, toute la musique que j'aime. Ah bah oui, Jamie, elle est bien. Jimmy Sugar, elle est fan à fond de Johnny Hallyday. Non, fan, c'est même pas... C'est même, non, c'est carrément... C'est bien en dessous. Déjà ça, mais moi aussi, j'aime beaucoup le blues. Et j'ai eu dans ma vie l'occasion de rencontrer quelques bluesmen français. Parce qu'il y en a, hein, et on ne leur rend pas assez hommage, à mon avis. Notamment un grand monsieur de bluesman, de blues qui s'appelle Bill Doerr. Oui. Que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois sur scène il y a très longtemps, bien sûr. Il est venu à Fleury il n'y a pas très très longtemps, il y a 4-5 ans qu'il est venu. Oui, moi je me souviens qu'il était passé. Il était venu à la passerelle, et j'y étais forcément. Et je l'ai vu dans pas mal d'endroits en France. Et on a passé quelques moments ensemble à discuter aussi. Et c'était quelqu'un, et c'est encore quelqu'un qui a amené le blues en France et qui a fait venir aussi des musiciens, des bluesmen américains, notamment Luther Allison qui jouait sur un de ses albums, j'ai réussi à le dire. Donc il y a lui, et puis j'ai rencontré, c'était un copain avec qui on a fait des bonnes soirées ensemble, monsieur Cisco Erzat. Je ne sais pas si ça te parle. Non, je ne connais pas Cisco Herzog. Alors, c'est un bluesman qui joue de la guitare, qui est connu mondialement pourtant, qui est un frère qui a écrit l'Encyclopédie du Blues. Je ne sais plus le prénom de son frère, je connais le Cisco parce que c'était. Mais c'est Herzog, son frère. Et c'est l'Encyclopédie du Blues, c'est une encyclopédie de référence chez tous les bluesmen. Donc voilà. Et Cisco, c'est un monsieur qui fait du blues et qui le fait très bien. Et qui tourne partout, et notamment aussi en Suisse, en Italie et en France encore quand il arrive à trouver des dates. Mais c'est vrai que, comme tu disais, il y a de moins en moins de concerts de blues. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est peut-être passé de mode en France. Oui, il y a des modes un peu. Au profit d'autres choses, mais c'est pareil pour la chanson française. Hein, moi, oui. je fais de la chanson française et je m'en défends. Et c'est pareil, je crois qu'il y a moins en moins de concerts, de chansons françaises, de chansons à texte. Il y en a de moins en moins. Histoire de mode, histoire de médias, histoire de je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est peut-être à nous aussi de bouger un petit peu les fesses pour dire voilà. Allons-y, mais voilà. Donc, quand il y a des bons moments, faut le dire, et quand il y a du blues, eh ben, faut y aller parce que c'est quand même le blues qui est à l'origine de beaucoup de choses. Hein. Mmh. Et puis, il faut faire comme les bluesmen, hein, qui est une personne ou qui en est 100 000, bah, il faut le faire. J'écoutais ce que tu disais. Rappelle-moi ton prénom. Marc. Marc, j'écoutais ce que tu disais en venant là. Effectivement, les bluesmen, ils s'assoient à l'échancrure d'une porte, et avec leur guitare, ils jouent, et il y a une personne qui s'arrête ou deux, ils savent, mais si il y a personne qui s'arrête, ils jouent quand même. C'est ça. On retrouve ça, effectivement, comme tu disais, du reggae. Le reggae aussi, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pas cubain, c'est jamaïcain. Parce que t'es... Oui, jamaïcain. Oui. Ouais. Jamaïcain. Oui. Non, je parlais des deux types de musique. Oui, ce que j'avais compris aussi. Effectivement, t'étais passé d'un truc à un autre. Ouais. Rentrer dans la culture. Oui. Tout à fait. Hein. Mais c'est vrai que c'est musique ethnique, parce qu'on peut pratiquement parler des musiques ethniques, elles ont été créées par des petites gens, par des grands musiciens. Elles ont été créées par des gens, par le blues, une grande partie des ça vient un peu aussi du gospel, le gospel qui était chanté dans les champs de coton, hein. On va pas refaire l'histoire, mais voilà, c'est ça. Puis plein de choses comme ça, les sorties d'usine et tout. Voilà, donc c'est bien aussi ça de rappeler. Du peuple, ouais, ça vient donc, des racines, ça vient voilà, de. Voilà, c'est vraiment les racines du rock, c'est les racines de beaucoup de choses en fait. Et c'est bien de le rappeler, et surtout de le rappeler aux jeunes qui pensent tout connaître et savoir tout faire, alors que non. On peut reproduire. Ça, c'est mon combat. Tu connais, d'accord. Heureusement, ils sont pas tous pareils. Et puis, on a aussi des vieux, des fois, qui croient tout savoir. Et oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut rester humble et se dire, même en vieillissant, on continue d'en apprendre. Et ça, c'est formidable. Tous et les des jours, fois, tous les jours, et tous les des jours, fois, on a aussi des claques par des petits jeunes qui nous font des bonnes claques. Et on est content de dire, voilà, la musique. Et il y a des gens qui vont continuer à faire de la très bonne musique. Et ça, c'est super. Ça fait plaisir. C'est vraiment, la musique, c'est d'abord un partage. Enfin, pour ce qui me concerne. Mais je pense que, à partir du moment où on parle de Jeanne, comme t'en parlais tout à l'heure, tu vois, comme quoi j'ai écouté. effectivement, on parle de partage, on parle de communion, on parle d'adhérer à une osmose, à une même chose, quoi. Donc, et le blues, c'est vraiment ça. Moi, je me souviens de concerts mythiques de blues et de joueurs, mais quand les gens écoutent, que ce soit les Stones, Eric Clapton, des gens comme ça, qui ont fait des concerts. Vous arrivez sur scène, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient jouer. Et ces grands-là, c'est des noms, je cite des noms, grands noms, volontairement, et qui s'appartaient en live. Mais c'était excellent, c'était de passer des heures à. Et c'est une chose un peu particulière du blues, c'est-à-dire qu'après un concert de blues, tu rencontres les musiciens. Ouais. Après un concert de rock, tu ne rencontres pas. Alors là, ça dépend. Ça dépend du. Enfin, si c'est des stars, tu les vois pas, quoi. Ouais, ça dépend. Mais les très grands du blues, tu les rends barre directement. Enfin, je crois que c'est surtout. Là, je parle un petit peu en connaissance de cause parce que je suis en plein dedans en ce moment. C'est surtout l'environnement des musiciens qui n'est pas le même que les blues. Les bluesmen, ils sont en nature, ils sont assis sur une chaise, ils vont jouer. J'ai rencontré des grands bluesmen comme ça, souvent dans le rock, c'est l'entourage qui protège, qui exclut pratiquement l'artiste et son corps défendant souvent. des gens. Bon, après, il y a aussi les fans et tout ça qui peuvent être investis. Ouais, un peu le star system tourne autour. Il y a beaucoup plus d'argent. Quoi, Mais il y a souvent ce phénomène-là qu'il faut pas nier. C'est pas parce que moi, en ce moment, je touche du bois, j'en côtoie de plus en plus des grands musiciens rock. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui ressort, même d'eux. Des fois, ils sont un peu frustrés de ne pas pouvoir aller voir les gens plus que ça. Mais il y a toujours un manager, un machin, qui dit non, on est pressé, on doit aller faire ça, on doit faire une télé, une radio, un machin. Et aux grandes dames des fans. Hein. Mmh. Moi, ça ne m'arrive pas dans mes concerts encore. Mais... oui, après, ça dépend aussi. On a vu des grands artistes mettre dans des petites salles où on pouvait les voir. Et des fois, dans les grandes salles, forcément, imaginez, vous avez des milliers de personnes qui sont là. Tout le monde peut, il ne pourra pas passer du temps avec eux. Donc là, dans ce cas-là, souvent, on leur permet de partir sans rencontrer le monde. Mais on a vu des grands artistes, des fois, qui jouaient dans les petites salles. Des fois, on ne s'y attendait pas. On se dit, tiens, un tel, il est là, on va aller voir, et puis à la fin on a même l'occasion de discuter avec lui, quoi. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer j'étais dans le secteur médical pendant une période de ma vie, et il y avait un médecin qui me racontait que pendant ses études il était parti passer un week-end à Londres, et comme ça tranquille, hein, et ils vont boire un verre avec leur copain londonien qui était là, et tiens, il y a un pub qui est sympa, on y va. Et c'est un pub effectivement sympa, il devait y avoir 10-20 personnes dans le pub, tu vois, pleine semaine et tout. Il y avait une scène avec des rideaux qui étaient là, un DJ qui mettait plus ou moins, c'était des années 70-80. Et ils étaient en train de boire leur bière comme ça, et puis le DJ, à un moment donné, il monte un peu le son, il fait "Now, John Tomam, The Rolling Stone." Ben, ils se retournent, toi, alors, regarde, il est fumé quoi, elle est bonne. Le rideau s'ouvre, il y avait les Rolling Stones derrière. Mm-hmm. Bon, ils ont joué pour 20-30 personnes, à tout casser, quoi. Parce que c'était un pote du patron, ils étaient potes avec le patron, ils étaient en train d'enregistrer un disque, et puis vous avez 2-3 morceaux qu'ils voulaient tester sur scène, et puis voilà. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Ah, ça, c'est les belles rencontres. Hein. Ouais, ça fait partie de l'histoire du rock'n'roll. Ah, c'est complètement rock, c'est comme être contre. Très bien. Donc, on a discuté un petit peu du blues et tout ça. Donc, ce soir, c'est vraiment une émission orientée vers le blues. Déjà, on a pu voir qu'il y avait des styles complètement différents d'un morceau à un autre. On a encore plein de morceaux à découvrir. On a parlé pas mal. On écoute encore un petit morceau parce qu'on a pas mal de musique à diffuser. Et moi, j'aimerais bien un petit peu découvrir un peu plus cet album qui s'appelle You Let Me Go. Donc des Sugar Cane, et donc on avait dit qu'on calerait le morceau numéro 6. En plus, Sugar, ça me parle à moi. Ouais, c'est marrant, hein. Parce que son ami s'appelle, oui, c'est numéro 5, hein, c'est ça. Il s'appelle Jamie Sugar. Ah voilà, voilà. Bien. Comme quoi ça tombe bien. Et c'est vrai que j'avais fait le petit rapprochement quand tu m'avais dit que tu passerais dans l'émission. Donc le morceau numéro 5 qui s'appelle Every Day I Have the Blues. Un grand classique. C'est parti, on écoute tout de suite. Back again. back again. It's good for nothing, I haven't got no friends. Little girl, you're just a one bit you. Faire des si tu veux te parler d'amour, te dire que tes yeux sont les plus bleus, te faire un poème, te dire que je t'aime, te faire une chanson enrobée de violon. Je peux faire le beau en délibiscotons, te dire que tu es belle, la plus belle des plus belles, t'inviter à manger, t'inviter à danser. Mais la chose que je veux, c'est pourquoi je suis là, regarde-moi dans les yeux, je veux coucher avec toi, je veux coucher avec toi, je veux coucher avec toi. Je peux être romantique, je peux être bucolique, je peux t'offrir des fleurs, t'appeler tous les quarts d'heure, je peux t'offrir du temps, je peux être très bonhomme. Rassurer, je peux t'écouter, te faire couler un bain, je peux sortir ton chien, je peux être très gentil, même avec tes amis, je peux faire la vaisselle, tout sortir les poubelles, je peux même si tu veux, te peindre le ciel en bleu. Mais la chose que je veux, c'est pourquoi je suis là, regarde-moi dans les yeux, je veux coucher avec toi. Avec toi, je couche avec toi. Je sais qu'on ne doit pas parler à une jeune fille comme ça. C'est vrai qu'on ne doit pas, mais voilà. Oui, voilà. Je couche avec toi. Je couche avec toi. Je couche avec toi. Sur quoi, reviens. Non mais je disais ça pour rire. Stop. Allez, tiens, il y a un fleuriste là. Viens, je t'achète tes fleurs. Allez. Allez. Oh non, je vais être tout seul là maintenant ce soir là. En plus, j'ai mal au poignet. Oh merde. S'il te plaît. Hey, tu m'as même pas donné ton numéro de téléphone. Bon bah, allez, salut. Voilà, il a au moins le mérite d'être direct, David McLean avec Je veux coucher avec toi. Donc, non, un petit souvenir. Ah ouais, ouais, je suis tombé dessus tout à l'heure et je me suis dit, tiens, comme je sais qu'il vient ce soir, on va diffuser ce petit morceau-là. Donc, c'est vrai que c'est une version un petit peu ancienne. Hein, ah ouais, ça, dire. Voilà, ça date. 10 ans, celle-là. Au moins, peut-être, je sais pas. Au moins 10 ans, oui. Oui, c'est possible. Hein. Ah ouais. Très bien, donc c'était le morceau surprise, un petit peu. Ah oui, ça m'a surpris moi-même. Très bien. Bon, c'est pas du blues, hein. Mais c'est très blues. Il y a un très grand blues qui s'appelle I Just Want to Make Love to You. Ah oui. Voilà. Alors c'est, on y est directement. C'est la version française. Voilà. C'est la version française, c'est ça. Puis c'est un petit peu le blues français que tu fais aussi, hein. Ah, un petit peu quelque part. De toute façon, il y a forcément, comme je disais tout à l'heure, des influences. Blues, ouais. Des influences. On est tous issus du même moule, si je peux m'exprimer ainsi. Mmh. Même s'il y en a qui doutent, de toute façon, les origines sont toutes la même. Mmh. Et puis, juste avant, on a écouté un morceau de Sugarcane qui s'appelle Every Day I Have the Blues. Donc non, c'était Drifting Blues. C'était le Drifting Blues, voilà. Every Day, alors c'est un autre classique, mais ça, d'accord. C'était le Drifting Blues. Encore, je comprenais pas. C'était le Drifting Blues, ça, effectivement. C'est le Drifting Blues qui est l'erreur un morceau calme, avec faire. Une très belle partie d'Armo, là, que ouais, Steph joue. Qui a duré quand même 6 minutes et quelques. Ouais, donc c'est un morceau extrêmement long. Voilà, c'est pour ça que je me retrouvais pas dans les. Ça, c'est le Drifting. Dans le. Comment ça s'appelle dans le chrono. Donc voilà. Donc ben, on va caler ce morceau-là pour plus tard. Comme ça, il est déjà calé. Every Day I Have the Blues, on l'écoutera tout à l'heure. Et là, on vient d'écouter Drifting Blues, un morceau super cool, super, super agréable. Voilà. On l'écouterait toute la journée. Très tranquille, bien. Tranquille, voilà. Ce sera tranquille. Transat. C'est un peu le principe de l'émission Maverick. Moi, je dis souvent, voilà, c'est le début du week-end, le vendredi soir. Souvent, bon, il y a quand même des gens qui travaillent le samedi, mais ils peuvent faire une petite pause aussi, justement. Et puis, donc, c'est le soir, on se relaxe un petit peu. Souvent, on a passé une semaine épouvantable où on n'a pas le temps vraiment de faire ce qu'on veut. Et là, c'est l'occasion justement de brancher la radio 96.2 MHz sur la FM ou le radio-arc-en-ciel.fr sur Internet, si vous avez votre ordinateur, votre téléphone portable ou plein de choses comme ça. Et votre ordinateur, téléphone portable, qu'est-ce que j'ai oublié, les tablettes, etc. Donc, vous pouvez vous détendre, surtout en ce moment, si vous avez la possibilité d'avoir une terrasse. Vous mettez sur la terrasse. Le soir, il fait un peu plus frais, c'est bon, beaucoup transat, plus agréable. Un bourbon, un cigare et du blues. Et du blues, ouais. En tout cas, ce soir, c'est... Pas d'accord, Marc. Alors, moi, j'irai pas tout à fait au cigare encore. Je commencerai par la bière. D'accord. Avant le bourbon. Le bourbon, je le prends plus tôt. Ah ouais, d'accord. Moi aussi, ouais. Mais enfin, bon, globalement, oui, d'accord. Quand même. Vous garderez la boîte à la fin du cigare pour faire des guitares. Pour faire des guitares. Très bien. Donc, tout à l'heure, on a parlé aussi de la fabrication, justement, de ces guitares qui sont faites à partir de boîtes de cigares. Souvent, ça peut être fait avec des bidons, ça peut être fait avec des boîtes. Avec des bidons aussi, ouais, j'en ai vu. Ouais, il y a pas mal de choses différentes. Et ça a un son particulier. J'écoutais tout à l'heure, le son, c'est super agréable. Ouais. Et je suis sûr que d'une à l'autre, c'est complètement différent. Oui, c'est complètement différent. Et puis après, il y a tous les composants que tu mets dedans, forcément, si tu... Tu peux choisir un jeu de micro plutôt qu'un autre, etc. Ouais, ouais. Tu vas influencer beaucoup. Oui, c'est un peu comme les guitares électriques, forcément. Ouais. Voilà. C'est une guitare électrique. C'est une guitare électrique. J'ai vu une fois San Severino, que on était dans un salon ensemble. Enfin, ensemble. Il était là, moi j'étais là aussi, mais on n'était pas ensemble. Hein. Mmh. Il essayait justement une de ses guitares en forme, avec des bidons d'huile. Mmh. Tu sais, les bidons plats, là. Bon, c'était San Severino, il a l'habitude de jouer, ce jeune homme, c'était bien. Et puis, il y avait un putain de son. Mais même en acoustique, la résonance du bidon donnait quelque chose. Mais après, il l'a branché. Effectivement, après, ça dépend des micros que tu mets. Il y a eu beaucoup de recherches au niveau de... Justement, à une époque, il n'y avait pas non plus l'électricité. Donc, les gens, ils essayaient de faire résonner leur guitare un peu plus fort. Donc, les guitares résonateurs... Les Dobro, c'est comme Dobro, ça. Dobro, oui, voilà, c'est la marque de ces guitares-là. Mais finalement, ça permet d'augmenter le volume sans pourtant avoir de l'électricité. Aujourd'hui, bon, ça a un son particulier aussi. Ce son métallique. Donc, certaines sont en bois avec une partie métallique, le résonateur. D'autres sont carrément en métal d'un bout à l'autre. Donc, ça donne aussi une couleur vraiment, c'est la couleur du blues, ça aussi, c'est pareil. C'est deux frères qui ont inventé ça, mais je ne me rappelle plus. Bro, c'est Brother, mais le Do, je ne me rappelle plus le nom, je l'ai su, mais je ne me rappelle plus. C'est deux frangins qui ont inventé ce système-là. On a eu la chance d'en avoir plusieurs dans les studios, avec plusieurs groupes de blues, d'ailleurs, qu'on connaît. Bien sûr. Et on en connaît pas mal. On a eu les Blues Factory, qui étaient venus avec des guitares résonateurs. Oui, voilà, tout à fait. Mais là, tu parles de il y a longtemps, même. Oui, ça date. Mais tu sais, l'émission Maverica, on commence à parler comme des vieux. 13 ans déjà, 514 émissions. Donc, on a reçu énormément de groupes. Des groupes qui existent toujours, d'autres qui n'existent plus. C'est pareil. Heureusement, on continue de suivre les musiciens. Parce que souvent, quand il y a un groupe qui se plâche, il y a plusieurs musiciens qui créent d'autres groupes et voilà, parce que quand on est musicien, on s'arrête pas du jour au lendemain, c'est pas possible. Donc après, il y a d'autres formations et puis on continue à suivre l'évolution. Et comme on disait tout à l'heure aussi, Marc nous disait qu'il venait d'un autre groupe où il faisait quelque chose de complètement différent. On a aussi des surprises de voir certains groupes qui éclatent et après, les gens font des choses complètement différentes de ce qu'ils faisaient dans le groupe précédent. Donc voilà, c'est aussi un enrichissement. Donc ça, c'est quelque chose de... Moi, j'ai une question à te poser parce que j'ai pas vraiment... Écoutez, depuis le début, comme dirait l'autre, mais vous n'êtes pas de la région ? On est de la région de Grenoble. C'est parce que je t'entendais parler de Grenoble, que vous aviez enregistré à Grenoble. Ouais, c'est ça. Ça fait loin. Pour l'émission Maverica, qu'est-ce qu'on ne ferait pas ? T'as pas le record encore, mais le record, c'est Hervé Desroffes, je crois, pour l'instant. Non, on a eu les question marks. Je ne sais pas si Brest... Oui, à mon avis, en kilomètre. Par rapport à Bruxelles, je trouve. Et puis les Belges sont venus deux fois, Bruxelles-Marc, le groupe. Aussi. Hervé est venu quatre fois, ouais, attention. Donc voilà, si on regarde en nombre de kilomètres. Et puis on a eu la chance, tiens, tout à l'heure on a débuté l'émission avec Max de Giovanni qui lui venait de Bayonne. Tu vois, comme quoi on a des gens qui viennent d'un peu partout. Et on est fiers de ça. Voilà, ça nous fait plaisir. Et puis grâce à Internet, justement, aujourd'hui on est une radio internationale, on peut nous écouter partout. Donc vous pouvez venir de partout, hein, si vous voulez venir du Mississippi, on vous accueille ici. Bon, il faudra un traducteur parce que moi l'anglais, je le comprends, mais eux ils me comprennent pas. Ouais. Ils font pas cet effort-là d'essayer de me comprendre. Pourtant, je le parle parfaitement bien, mais non, ils veulent pas me comprendre. Ouais, voilà. Comme moi, je me comprends quand je parle anglais, mais moi aussi. Mais eux, je comprends pas. Non, mais c'est un début, c'est bien. Il faut en passer par là. En fait, c'est le plus drôle parce que il y a pas longtemps, j'allais souvent à Londres et quand je parlais, les gens arrivaient à me comprendre. Mais quand il me répondait, alors là c'était autre chose, parce que tu sais, il parlait normalement. Après, il y a des questions d'accent et tout ça, des fois c'est pas évident. Hein. Bah, des fois, même en France, on a du mal à comprendre certaines personnes. Ah ouais. Surtout quand c'est tard dans la nuit, après une soirée arrosée, des fois on comprend pas ce qu'ils disent non plus les gens. Ouais, des fois, ouais, c'est tu parles français? Non. Si. Ah bon, on n'a pas compris. D'accord. Mais revenons-en au blues. Au blues. Parce que c'est ça qui nous intéresse ce soir. Le groupe Sugarcane est notre invité et Marc, le batteur, est ici présent et on va rappeler le nom. Et ils sont où les autres? Les deux autres, bah justement, il y en a un qui n'a pas pu venir parce que son épouse a un problème de santé. Donc on espère bien. Alors là, c'est la première fois que vous passez dans l'émission Mavrika, hein. Mais j'espère bien que vous allez revenir justement parce alors que là, il faut revenir à plusieurs. Voilà. Et avec les instruments. Avec les On avait une semaine de concert de Calais là à partir de demain et voilà, on a tout annulé parce qu'il y a un gros pépin de santé. C'est dommage. Voilà, oui, donc c'est dommage. Oui. On lui souhaite un très bon rétablissement en tout cas. Et on est tout cœur avec elle, cette personne. Oui. Donc, voilà. Sinon, justement, on va parler de projets. Là, il y a cet album qui est sorti en 2019, qui s'appelle You Let Me Go. Un autre album est en cours de fabrication. On est passé dans le studio début juin. Cette fois, on était à Pau, au studio Célestine, là, chez Alain Brunet, qui nous a été chaudement recommandé par les bluesmen américains qui enregistrent en France. Mmh. Ah ouais. Et comme on connaît un peu ce réseau-là, ils nous ont dit, vous voulez faire autre chose, vous voulez essayer quelque chose de gros, allez chez Alain Brunet. Donc c'est ce qu'on a fait. On n'a pas été déçus. Super, Alain, vraiment très très bon ingé son, une oreille incroyable. Mmh. Et on a... On a aussi fait des rencontres magnifiques là-bas, hein, puisqu'il y a notamment le bassiste de Popa Chubby, qui habite là. Popa Chubby, c'est une superstar du blues, gars de New York. Et son bassiste habite là. Donc il est passé au studio parce qu'Alain l'a prévenu qu'on était là. Et voilà, le blues, le partage, l'envie d'être ensemble. Il arrive avec sa basse, il dit « Ouais, faites-moi écouter un peu votre musique. » Et puis il s'installe et il commence une ligne. « Ah non, c'est pas bon, je vais en faire une autre. » Et hop, et tac, il a posé deux lignes sur deux morceaux différents au vol, quoi. Tu vois. Ah d'accord. Et c'était vraiment, c'était intéressant. C'est un gars qui a fait le tour du monde avec Popa et qui a joué avec Neil Black aussi. Enfin bon, c'est une grosse, grosse pointure. Et c'était vraiment tellement simple. Tellement simple dans le partage, dans l'envie d'être avec nous, l'envie d'apporter ce qu'il savait faire et de nous faire plaisir, hein, parce que c'est quand même bien ce qu'il a fait. Et c'était une très très belle rencontre. Donc Chris Jefferson sera sur le prochain album sur un ou deux morceaux. C'est cool ça. Ouais, génial. C'est magnifique. C'est quelque chose. Voilà, c'est moi magnifique. J'aime bien cette histoire-là. Moi, ça me fait rêver. Et c'est vraiment. Enfin, nous, c'est ce qu'on cherche. Bon, les auditeurs nous voient pas forcément à la radio, mais on n'a plus tout à fait 20 ans ou 22 ans. On a un petit peu après. Hein, on a 24 et demi. Quoi. Ouais, voilà. Du coup, forcément, ce qu'on cherche, c'est vraiment ça, le plaisir, la rencontre, le partage. C'est ce que tu décrivais tout à l'heure, David. Hein, c'est vraiment l'envie d'être ensemble, l'envie de passer un moment, d'envoyer un truc et de jouer. Et ce gars qui débaroule comme ça. Voilà, c'était exactement ça, c'était parfait. Bah, en fait, on retrouve ça, effectivement, Où, au moment où on a pu chercher la rivalité, ou à chercher à se montrer tout ça, à partir du moment où on est assis. Moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvé dans une soirée où, je ne sais pas, ça va peut-être pas te parler, mais Pierre Billon, c'était non seulement un ami, mais un compositeur. Il a fait une dizaine d'albums pour Johnny Hallyday. Pour Johnny, ouais. Et on s'est retrouvé tous les deux sur scène, lui et moi sur scène. Comme ça, jouer. Ma femme est venue forcément parce que forcément Pierre Billon. Donc, oui, oui. Et il y avait sa fille aussi. On a fait un bof. Ça a duré, je sais pas, une bonne demi-heure comme ça, mais sans prétention, sans rien, comme ça. J'ai eu la même expérience avec le fils de Django Reinhardt, Bobby Reinhardt. Pareil, j'étais sur scène en train de jouer. Je vois un monsieur arriver à 1m80, le gros bébé. Habillé tout en blanc et tout ça, je me rappelle encore comme si c'était hier. Je le vois arriver, je pose ma guitare. On sait, il dit, tu fais quoi? J'ai dit, je pose ma guitare, tu vas jouer. Il dit, non, tu prends ta guitare et on va jouer. On va jouer. Et on a joué ensemble, comme ça, ça a duré, je parais, un quart d'heure, 20 minutes, mais voilà. Et c'était sans chercher à se démontrer, sans chercher. Voilà, un partage, comme tu dis, c'est le mot ça. Partage. Et je crois que dans la musique, c'est ça qu'il faut retrouver, c'est une notion de partage. Et en plus, justement, ce qui est formidable, c'est parce qu'il y a des musiciens qui sont plus performants que d'autres, et ils arrivent à se mettre à la hauteur de la personne qui l'accompagne. Et ça, je trouve ça formidable, parce qu'il y en a certains qui voudraient dire, tiens, donne-moi ta guitare, regarde ce que je sais faire, maintenant calme-toi. Non, c'est montre-moi ce que tu sais faire et on va essayer de faire un truc ensemble. Voilà. Avec ce que tu sais faire et moi ce que je sais faire, on va essayer de faire un truc, construire quelque chose. Et ça, c'est ça la magie, c'est ça le vrai contact, le vrai partage. Donc c'est comme ça que les deux évoluent. Parce que quand on est capable de jouer avec n'importe qui, je crois que c'est aussi bien. Quoi, ça, et puis c'est surtout un plaisir. Plaisir et pour les deux, en fait, pour les deux personnes. Je parlais de Bobby Reinhardt aussi. Moi, quand je l'ai vu il y a plus de 20 ans. Oui, il y en a vraiment plus de 20 ans. Et j'étais vraiment un piètre, piètre guitariste, déjà que je ne suis pas encore même à un niveau. Mais là, c'est pour ça que j'ai poussé la guitare. Je dis, il y a un monstre qui arrive, hein, quand même. Je ne sais pas si tu le connais un petit peu. Je dis, voilà, t'as un monstre qui arrive. Excusez-moi, monsieur, de respirer le même air que vous. Mais non, voilà, en toute simplicité, voilà. Je dis, voilà, c'est ça, le partage. T'as eu le mot juste, hein, tout à l'heure, la rivalité. Ouais. Et c'est vrai que quand on est gamin, on cherche toujours à faire le truc plus vite que l'autre. On a ça, mais ça a duré longtemps. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, ça a duré quand même longtemps. Puis bon, maintenant, ça s'est passé depuis un moment, mais. Mais et c'est ça, une fois qu'on arrive à se dire bon voilà, je sais jouer mon instrument à ce niveau-là, ça je sais le jouer, je vais jouer ça avec les autres, et à ce moment-là on commence à rentrer dans quelque chose qui est bon, quoi, qui est vraiment bon. C'est peut-être pas techniquement incroyable, mais si c'est bien fait, voilà, c'est bien carré, c'est un truc qu'on ressent, on balance ce qu'on ressent, ce qu'on sait, et on partage avec le public. C'est ça. Et moi, je trouve ça formidable. C'est l'essentiel. Et c'est vrai que souvent, les jeunes générations, bon, quand on est jeune, on a l'impression qu'on va tout inventer, que le monde nous attend, et que voilà. Donc, j'en ai vu beaucoup comme ça qui... Mais moi, je trouve c'est génial, parce que bon, il y en a qui arrivent. Il faut quand même bien le dire. Il y en a certains qui mettent une bonne claque aux anciennes générations. Mais pas tous. Et souvent, ce qu'on voit aussi, même ceux qui ont été très, très, très bons en étant jeunes et tout ça, au bout d'un moment, ils se calment, ils ont ce côté-là. Et on le voit avec les générations. Donc, voilà, c'est bien de vouloir apporter toujours quelque chose, mais il faut aussi prendre le temps d'écouter les autres. Et puis, le fait de jouer ensemble et s'écouter les uns les autres, je trouve que c'est formidable. Et moi, j'aime bien aussi, dans les groupes, on en a vu déjà plusieurs, des fois, il y a plusieurs générations dans le même groupe. Et ça, je trouve que c'est formidable. Parce que le fait de... La musique réunit des gens qui peuvent se ressembler, mais aussi des gens qui ne se ressemblent pas du tout, et qui finalement, ensemble, apportent chacun leur touche, et puis ce qui fait que le groupe a cette richesse-là, des jeunes parmi des gens un peu plus âgés. Donc moi je trouve que c'est formidable. Donc voilà. Ah ouais, non, mais c'est complètement... peut même aller plus loin, je parle de différence d'âge. Et après, différence de tout, religion, de couleur, d'éducation, d'origine, etc. Je trouve que c'est ça. On se retrouve dans une cohésion musicale. On se retrouve parce que on est à ce moment-là et on a envie de jouer ensemble et on a envie de faire la même musique et partager avec d'autres musiciens C'est ça les jams en fait. C'est tellement bon, c'est tellement bien que des fois t'as pas l'envie que ça se termine. Moi j'ai vu des trucs. Je me rappelle une fois, je raconte un peu ma vie là, ce soir. Une fois, ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu, donc c'est ouais. Pour ça il l'invite. Et on l'a vu aussi ici, des soirées qu'on n'avait pas envie qu'elles se terminent, ah bah oui, jusqu'à 4 heures du matin. Une fois, c'était l'anniversaire de mon ex-femme. Je te promets. Je sors du boulot, on avait rendez-vous avec des potes, et c'était tous des bluesman, jazzman et tout ça, pour boire l'apéro, et après je devais filer, on était invités, tout ça. Non. Et la patronne, elle me dit, David, en plus, je revenais d'un cours de basse, ouais, à l'époque, je faisais de la basse. T'as ta basse, ça te dérange pas de faire un petit morceau? Je dis ok, mais 9h, 21h, tu me dis je décolle, sinon je vais me faire tuer. Et à un moment donné, je dis Chantal, il est quelle heure là? Hein, il est 4h moins le quart. Oh, je commence à comprendre pourquoi c'est ton ex-femme. Oui. Là, tout d'un coup, ça fait du sens. Oui, c'est vrai. Mais c'est arrivé à combien de musiciens, ça, franchement? Ah, bah oui, ça. Et des fois, pas seulement pour la musique, hein, parce que. Ah, mais de toute façon, dès qu'on a une passion, mais particulièrement sur chez les musiciens, on ouais. se retrouve entre zikos, on parle de musique, et le temps si on a les instruments, c'est encore pire. Le temps n'existe plus quand c'est comme ça, ouais. Voilà. C'est sûr. Voilà, très bien. Donc, vous êtes en enregistrement. L'album, ça va s'appeler comment? Alors, pour le moment, le titre retenu, c'est Brothers, c'est-à-dire les frères, hein, puisque ce sont deux frères avec lesquels je joue. Et on s'appelle comme ça entre nous. Et c'est un peu ce que tu décrivais il y a un instant. Sans le blues, on ne se croise jamais avec eux. Tu vois. Eux et moi, on ne se croise jamais parce qu'il n'y a rien d'autre qui nous réunit. Et puis, tout d'un coup, on fait une répète et boum, ça claque tout de suite. Mmh. Voilà, c'est étonnant, hein, c'est étonnant. Le même projet, la même envie, la même musique et hop là. Et quel que soit le parcours des uns des autres. Donc Brothers, il est au mixage et bah, on espère une sortie en novembre par là, quoi. D'accord. Et rien en français? Rien en français. Alors moi, j'ai joué dans les années 2000. Là, j'étais dans un groupe de blues en français. Qui s'appelait Blues Petrol. Et on n'est jamais passé sur la scène blues. On est toujours passé sur la scène chanson française. Ah ouais. Parce qu'on chantait en français. C'était très perturbant, ça. Parce que, c'était nos compos, c'était nos textes, etc. On avait des choses à raconter. Et ben non. Ça a été cantonné à de la chanson française. Les gens sont parfois un peu obtus. Hein, ouais, voilà. Surtout en France. Exactement. Et surtout en France, je crois que tu as raison. Et du coup, quand là on s'est rencontrés et qu'ils m'ont dit, bon, bah, on chante en anglais, moi j'ai dit, ouais, ça me va très très bien. Donc on est passé à l'anglais à 100%. Et on n'a jamais, je crois qu'on n'a jamais eu la question, tiens, pourquoi vous ne chantez pas en français? Moi, je la pose régulièrement parce que j'aime bien ma langue. Toi, tu es sur ce créneau-là. Ouais. Vrai, tu as raison. Mais voilà, nous, l'expérience que moi j'en ai faite, c'était vraiment ça, quoi. C'était, vous faites de la chanson française, vous faites pas du blues. Ah, bon, ok. D'accord. Et et pourtant, il y a Paul Person. Il y en a plein. Hein, Bill Doreen, tu parlais tout à l'heure. C'est ça. Mais ben non. Ouais, le problème, c'est qu'en France, c'est trop catégorique, les catégories justement dans lesquelles on nous case. Très, très cloisonné. Et on a du mal à en sortir. J'avais eu cette conversation avec des musiciens de jazz et des musiciens de variété qui faisaient partie d'un groupe qui s'appelle les Peter Alexander Band, qui eux sont plutôt dans le style country, rock, country américain. Et donc, Laurent Estin était un guitariste de jazz et ils s'étaient super potes, mais ils n'arrivaient pas à se retrouver ensemble, alors que des fois, ils jouaient ensemble entre eux, voilà. Mais voilà, déjà, ils mettaient des catégories, oui, c'est ça. Mais c'était les organisateurs qui mettaient des catégories. Oui, bien sûr. Alors qu'ils buffaient ensemble, puis des fois même, ils allaient sur le disque de l'autre pour faire un petit riff ou un truc comme ça. Mais voilà, en France, on est trop... Voilà, tu vois toutes les affiches de concert aujourd'hui, tu as le nom du groupe, et dessous, tu as 1, 2, 3, 4 mots pour essayer de qualifier la musique. Ouais, on le voit souvent, ça. Des des accumulations de mots qui veulent plus rien dire. Et voilà. C'est marrant parce que si jamais on le met pas, parce qu'on organise quelque chose, on met, les gens ils savent pas ce que c'est, ils veulent savoir. Donc ça. Ils nous posent, mais c'est quoi comme style? C'est ça. Voilà, il faut qu'on donne une étiquette. Alors en plus, le problème, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ici, dans l'émission, on reçoit plein de styles différents. Et puis moi, je le perçois d'une certaine manière, mais je le dis pas. Donc je demande toujours au groupe dans quelle catégorie vous placez. Et des fois, je suis surpris parce que c'est pas du tout ce que je les aurais pas classés du tout dans ce qu'ils me disent. Et d'autres fois, oui, je tombe pas loin, quoi. Mais comme quoi, des fois, et puis c'est pareil, les gens, ils aiment pas trop être classés non plus. Donc souvent, ils inventent un style à eux. Ils disent, c'est notre style, on l'a appelé comme ça. Et on est le groupe numéro un mondial de ce style-là. C'est ça. C'est oui, ça. Forcément, c'est les seuls. Ils l'ont inventé. Non, comme quoi, ouais, il faut arrêter de. Mais bon, des fois, on a besoin. Et c'est vrai, c'est pas facile de mettre des mots sur une couleur musicale. Donc, il y a des styles et puis on classe les gens dans ces trucs-là. C'est un petit peu dommage. C'est d'autant plus difficile, c'est que nous-mêmes, on ne sait pas. Enfin, moi, je sais en ce qui me concerne, je ne sais pas dans quelle case je me mettre. Moi, parce que je peux aller faire du reggae, comme je peux aller faire de la chanson française. Et quand les gens me demandent, tu fais quoi? Ben, je fais de la chanson. Voilà. Et, mais c'est comme le rock, le blues et tout ça. Les gens, alors le blues mélodique, le blues si, le blues ça, nanana, le rock c'est pareil, le rock nanana, et le métal. Alors c'est encore. Ouais, ah ouais. on a même eu des trucs ici avec des groupes. On dit bon, vous faites du hard rock. Ah non, pas du tout. On fait du métal. Parce que moi, il y a la famille du rock, hein. Il y a la famille du hard rock, et dans le hard rock, il y a tous les trucs. Voilà. Mais non, le mec, non, c'est même pas du rock. Non, le métal, c'est pas du rock. Ah bon? Non. Bon, bah, d'accord. Alors que moi, j'essaie de cataloguer comme ça en disant, voilà, c'est la grande famille du rock. Ben non, ils se considèrent même pas. Donc après, d'un groupe à l'autre, ils pensent pas de la même manière. Mais j'ai déjà eu des cas comme ça où les gens, ils se situaient comme si eux, ils avaient inventé quelque chose de complètement différent de ce qui existait avant. Alors qu'en vérité, non. Bien sûr que quand on fait du métal, ça vient quand même du rock, ça, du hard rock. Voilà, ça, il y a eu un cheminement avant d'arriver à ça. Donc voilà. Très bien. Je peux poser une question? Oui. Quelles sont, toi, en tant que musicien de blues, tes références de. Voilà, qui sont, on va dire, tes parrains de blues? Alors, le premier qu'on a écouté tout à l'heure, là, Luther Allison. Ah, Luther Allison. Oui. Luther Allison, c'est vraiment pour moi, c'est très très haut, quoi. C'est très très fort. Dans un autre registre, beaucoup plus folk, il y a Eric Bibb. Eric Bibb, il joue avec sa guitare, des fois en duo avec un batteur, ou un bassiste, ou un guitariste, ou un truc comme ça. Beaucoup plus folk, beaucoup plus soft, doux, mais très très joli. Bon, puis après, voilà, il y en a plein, hein, ça se décline beaucoup, mais s'il fallait en citer un, je citerais Luther quand même. Ouais, c'est lui qui vraiment m'a... On réécoutera un morceau d'ici la fin, donc. Je pense le plus frappé, quoi, visuellement... mélodiquement, très très touché par sa musique. Très bien. Donc voilà pour les influences, hein, donc les artistes que tu aimes. Alors s'il fallait donner une couleur à votre musique, ça serait plutôt deux couleurs à la musique. Quelles seraient-elles? Des couleurs, des vraies couleurs? Oui, des vraies couleurs, oui. Au fond, eh ben, il y a le jaune paille, ouais. Hein, de la canne à sucre qui sèche sur pied. Et puis bah, y a le blanc du coton, hein, je pense. D'accord, voilà, c'est deux couleurs. Puis après, tu sais, il y a cette espèce de ciel du sud des États-Unis là qui est toujours fait moins chaud qu'ici maintenant là, mais c'est bon. Encore les températures qu'on a, c'est pas normal. Mais voilà, 30 degrés, 100% d'humidité, et boum, c'est installé comme ça, quoi. Et tu transpires, et t'as cette espèce de lueur blanchâtre tout le temps là qui écrase tout. C'est magnifique, hein, quand tu vis là-dedans, mais c'est très particulier. Je pense cette musique à cette couleur-là. Quoi. Mmh. D'accord. Donc on va garder le jaune paille, le blanc. Ouais, voilà. Parce que souvent le blues, il y a le bleu. Mais bon, là c'était pas le cas. Donc très bien. Donc c'est aussi une couleur différente. Et c'est un peu, si on regarde un peu les couleurs des albums, hein, finalement, si on regarde, on retrouve le noir et blanc et jaune un peu, hein, ouais, jaune crème. Vois, quand même, hein. Si on regarde d'autres, on retrouve cette couleur-là. Il y a quand même le côté orange et noir, voilà, et blanc. Voilà. Donc là, je suis en train d'en montrer plusieurs. Et plusieurs albums que tu as apportés. Et justement, on va peut-être continuer à explorer un petit peu tout ce qu'on a à écouter, parce que sinon, on arrivera à la fin, on n'aura toujours pas le temps. On arrive déjà à la moitié de l'émission, si je regarde. Ah bah oui, on l'a même déjà dépassé. disons, ça file à une vitesse, c'est pas possible. Très bien. Alors souvent, les gens, ils me disent, on vient dans l'émission, ça dure 3 heures, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire pendant 3 heures? Ben, des fois, on arrive à la fin, on se dit, mais j'ai pas eu le temps de dire la moitié de ce que j'aurais voulu. Donc, ça nous incite à réinviter les personnes à qui on a passé un bon moment. On se dit, tiens, on a passé un bon moment, et ça serait bien de se retrouver dans quelques mois. Certains, c'est plusieurs années. Il y en a qui viennent régulièrement, donc ça, c'est notre plaisir. C'est notre plaisir de faire des rencontres grâce à notre passion, la musique, la radio et puis les gens. Voilà, le côté humain, c'est ce qui nous intéresse aussi. Donc, on va continuer à écouter de la musique. Alors là, tout à l'heure, on parlait des influences et tout ça. Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais cette fois-ci, c'est un musicien de blues aussi. C'est un musicien de blues. Très marqué par les Amérindiens. Voilà, c'est pour ça. Il y a aussi le côté américain. Oui. Donc les Indiens, étaient les premiers habitants avant que l'homme blanc arrive et qu'il fasse tout ce qu'il a fait, des bonnes et des mauvaises choses. Et donc c'est Otis Taylor. C'est Otis Taylor. Oui, ça vaut la peine. Tu entends tout de suite dans les sonorités qu'il y a des choses un peu tribales. Il y a des choses. D'accord. Encore un peu différent. Comme quoi, le blues, c'est une musique qui donne peut-être les bases, mais qui est enrichie de plein de choses différentes. Donc, le morceau qu'on va écouter s'appelle My World Is Gone. Et après, on écoutera, tiens, on va écouter Sugarcane avec le fameux morceau que j'ai annoncé tout à l'heure et que j'en ai envoyé un autre. Donc, c'est Everyday I Have the Blues. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est l'émission Mavrika. Voilà, bye. Ah voilà, ça démarre. If you send me a silver mirror, oh, I walk the wind river. If you send me, oh, my world, a silver mirror, oh, if you send me, oh, my world, a golden razor, oh, I'll cut my hair, oh, I'll cut my hair. If you send me, oh, my world, a golden razor, oh, I'll walk to Wind River. I'll cut my hair and I bet, oh, I bet ground. I cut my hair and I bet, oh, where the buffalo used to roam. Radio Arc-en-Ciel, on vient d'écouter un morceau de l'album You Let Me Go des Sugarcane qui s'appelle Everyday I Got the Blues. Et juste avant, on a écouté donc Otis Taylor avec My World Is Gone. Voilà, on est dans l'émission Maverica. Aujourd'hui, c'est une émission consacrée principalement au blues, même s'il n'y a pas que du blues. Il y a quand même de très bons morceaux. Et puis là, justement, c'est deux morceaux de blues. Il y a Marc du groupe Sugarcane qui est ici, le batteur. Et il y a aussi notre ami David McLean qui est venu nous rendre visite après une longue absence. Parce que bon, c'est vrai qu'avant, tu t'es habitué. Tous les vendredis, on était là. Pendant plus de 3 ans, tu as été le chroniqueur, même plus longtemps si on regarde d'un bout à l'autre. Là, depuis quelques temps, effectivement, tu as un autre travail, t'es pas toujours disponible. Bah, c'est ça, et puis voilà, c'est ça. j'ai eu un travail un peu plus spécial, toi. Demain, je travaille à 5h30, mais j'ai aussi repris un petit peu pas mal de compos. Je compose beaucoup, je travaille beaucoup en studio. Oui, j'ai vu les vidéos. Il y a une petite vidéo là dernièrement qui est sortie vite fait. Et je compose pour moi, je compose pour Jamie. Là, on est en train de travailler donc ce spectacle sur Johnny qui prend et qui demande du travail. Quand même pas mal, et donc voilà, j'ai plus trop de temps à côté, mais quand je peux, ben je viens et avec plaisir pour rencontrer en plus des bluesmen, franchement. Donc j'ai aussi eu des personnes qui sont intervenues au téléphone. Alors n'hésitez pas à mettre des petits j'aime sur le Facebook de l'émission Maverica. Ça nous fait toujours plaisir de savoir que les gens sont au courant de ce qui se passe dans l'émission. Parce que nous, on essaie de passer des morceaux. Donc il y a le programme qui est affiché au fur et à mesure. Il n'est pas tout à fait à jour là pour l'instant, mais je vais tâcher de le mettre à jour au fur et à mesure de l'émission. Donc avec tous les titres qu'on passe, parce que c'est intéressant d'entendre des morceaux. Et dès que quelque chose accroche un petit peu, c'est bien aussi de connaître les titres pour pouvoir s'intéresser plus aux artistes. Donc ce soir, c'est une émission consacrée à Sugarcane, et c'est un groupe qui vient de Grenoble, donc c'est pas tout près hein, par rapport à Orléans, mais ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. Donc c'est la première fois que vous venez ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et j'espère que c'est pas la dernière. Comment vous avez eu vent de Grenoble de l'émission? Eh ben, on a eu vent par Morgane Pinson du Café de la Mairie à Laye-en-Val, qui devait nous accueillir. Le monde est petit. Et qui m'a orienté vers Albino. Et je tiens à la remercier parce que effectivement, ça a bien marché. Je voudrais remercier Ben aussi du Ben's Blues Bar à Blois, là, qui devait aussi nous faire jouer, qui avait fait exception dans sa programmation pour nous recevoir. Bref, on avait tout calé, décalé en fonction de l'émission de ce soir. Voilà, et on recommencera. Très bien, si ça vous plaît et qu'on passe des bons moments ici, hein, c'est vrai qu'à chaque fois. Et en plus, donc, il faut mettre des petits j'aime sur le Facebook. Il y a aussi des gens qui m'ont contacté. Et qui c'est qui m'a contacté? Un des plus fidèles auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et de l'émission Maverica. Pas que, hein, il écoute aussi une autre émission proposée par notre ami Christophe sur Radio Arc-en-Ciel. C'est Chris, justement, du groupe Prisma, qui vous passe le bonjour à David et à Marc. Donc, bonjour. Et qui me parlait, il me dit, ouais, c'est une émission de blues, là je suis en train de préparer un déménagement, donc ça me donne la pêche, j'écoute la musique. Et il a dit, ça serait bien que vous me passiez un petit Gary Moore. Est-ce que ça fait partie des artistes qui... Ah bah Gary Moore, c'est un incontournable. Hein. Mm-hmm. Ah oui, c'est un incontournable, c'est un très fort, très très bien, très bonne idée. mets-lui un petit Gary Moore, Chris, parce que là, c'est que du bon, hein, Gary Moore. Dans tous les cas. Justement, moi j'ai cherché un petit peu, effectivement, j'ai trouvé le morceau qu'il m'avait demandé, et puis je propose qu'on l'écoute peut-être tout de suite, non? Allez, on fait comme ça. Allons-y. Let's go. On va faire comme ça, une petite manip, parce que bon, il y a plusieurs entrées différentes, et cette fois-ci, je passe sur Internet, donc forcément, parce que je n'avais pas le morceau sur moi, et on va écouter Gary Moore avec un morceau qui s'appelle Still Got the Blues. So easy to give my heart. Quel morceau, effectivement, même si on connaît pas le nom de l'artiste, même si on connaît pas le nom de l'artiste et le nom de la chanson, et effectivement, c'est une chanson qui parle à tout le monde. Tout le monde l'a déjà écouté au moins une fois. Et donc, on vient d'écouter Gary Moore avec Still Got the Blues, un standard. Voilà, un très bon moment, un très bon choix, en tout cas, de notre ami Christophe. Et on a pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Voilà, donc on va mettre les titres au fur et à mesure, parce que là, je suis en train de prendre un petit peu de retard. Mais bon, comme on discute aussi de l'autre côté, et on essaie aussi de vous transférer d'autres morceaux qu'on a ici. Donc, on a un petit peu de travail à faire en fond. Ne vous inquiétez pas, on est dans l'émission Mavrica. On a toujours réussi à faire ce qu'on voulait faire dans l'émission Mavrica. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ce soir, je récapitule un petit peu. C'est l'émission numéro 514. Nous sommes le vendredi 22 juillet 2022 et nous recevons donc un représentant du groupe Sugar Cane, un groupe de blues style Mississippi Blues, on va dire ça comme ça, qui nous vient de Grenoble, et on découvre donc ensemble leur ancien album. On a des morceaux du nouvel album, c'est justement ça qu'on voudrait vous diffuser aussi. On va se débrouiller pour les passer avant la fin de l'émission, et en attendant on a découvert plein de choses du groupe. Donc le groupe existe à peu près depuis 5 ans, c'est ça, hein? 5 ans, oui. 5 ans. 5 ans avec cette crise Covid en plein milieu là, qui nous a bien perturbés. On avait des invitations pour aller sur des festivals internationaux. Enfin, ça c'était parti très fort. Et puis voilà, hein, après on sait tout ce qui s'est passé. Cloîtré à la maison, tout annulé. Et du coup, il faut un peu tout relancer. Il faut un peu tout refaire maintenant, malheureusement. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde. Ouais, je crois que là, vraiment, les artistes, en général, ils ont pris un bon coup. Ouais, et pas que, hein, tous les gens aussi qui vivent autour de ça. Et puis, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont peiné, des associations qui ont disparu, plein de choses comme ça. Donc, voilà, effectivement, on a passé un mauvais cap. J'espère que maintenant, ça ira beaucoup mieux. Et de toute façon, ce qu'il faut, c'est que le blues continue encore très longtemps, hein, parce que c'est une musique immortelle, une musique qu'on écoutera encore, j'espère, dans 50, 100, 200, 300, 600 ans. Voilà. Sûrement. Après, il ouais. faut dire que nous, peut-être pas. Nous non. Ou peut-être là-haut, hein. Et ça se trouve, on sera avec les meilleurs bluesmen. Ah, peut-être, oui. On en retrouvera quelques-uns. Ça serait bien, ça. Ça serait bien, voilà. C'est ce qu'il faut se dire, hein. Il faut toujours être optimiste. Très bien, donc là actuellement il y a l'album qui va bientôt sortir, le nouvel album, donc courant du à la rentrée, donc ce sera pour octobre-novembre. Ouais, octobre-novembre par là, je pense. Octobre-novembre. Oui. Il y aura peut-être aussi d'autres concerts qui se feront à ce moment-là. Oui, oui, oui. Il y a pas mal de choses qui s'enchaînent, hein, mais on va reprogrammer ce qu'on avait ici, hein, puisque tout est décalé, hein, malheureusement. Et donc on va le reprogrammer, j'imagine, l'année prochaine, hein, le temps que ça se fasse. On remontera un peu dans le centre de la France, là, en octobre, vers Moulins, Nevers, ces coins-là. Et ça sera peut-être l'occasion de faire une autre émission. Voilà. Avec tous ensemble, cette fois-ci. Oui, tous ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Donc, bon, les concerts, pour l'instant, on a compris que c'était un petit peu en stand-by. L'enregistrement, la sortie de l'album, donc ça, c'est déjà beaucoup d'occupations à faire. Est-ce qu'il y a des clips vidéo, des choses comme ça? Oui. Alors, clip, il y en a eu un. On va en refaire un sur le deuxième album, oui. Et puis, il y a le gros projet qu'on a toujours depuis le début, qui est d'aller jouer ce blues, ce Mississippi blues qu'on prétend interpréter, et ben d'aller le jouer au Mississippi. Forcément. Ouais, carrément. Pour voir s'ils se moquent de nous, s'ils restent, s'ils restent pas, s'ils nous encouragent, tu vois. ce serait un peu le test ultime. On peut se poser la question. Mais bon, moi, quelque part, si moi, il y a un style de musique dans ma ville et que je vois des gens qui viennent d'ailleurs, qui essaient de le faire aussi bien que les mecs, et des fois, ils y arrivent, moi, je crois que c'est même pour les gens de là-bas, je crois que c'est quelque chose qui les mettra en valeur, quoi, en disant voilà, notre musique quand même elle est écoutée à l'autre bout du monde. Il y a même des Français qui viennent ici interpréter des morceaux qui à l'origine ont quand même pris leurs influences ici, quoi. On serait pas les premiers d'ailleurs à faire ça, et je pense que tu as raison, hein. Moi comme je le disais tout à l'heure, j'ai vécu là-bas un moment et c'est à peu près certain qu'on va être bien accueilli. Oui, je pense aussi. Ouais. Mais il y aura quand même des gens un petit peu plus critiques que d'autres qui vont nous dire, bon les gars, c'est pas mal, mais... bot. Hein. Ah ben, bot quoi. Bon, voilà, mais... Bon, voilà, c'est un peu notre but ultime, c'est de pouvoir mettre les instrus dans l'avion, filer là-bas et aller jouer à Clarksdale, Mississippi, et puis dans ces coins-là pour leur présenter un peu ce qu'on fait, quoi. Mmh. Bah, ça serait super en tout cas. Voilà. Ça pourrait être une belle aventure. C'est un beau projet. Ouais, c'est un beau projet. Justement, une aventure comme ça, peut-être que rapporter des souvenirs, faire des vidéos, faire peut-être un petit montage, un petit film ou avec la musique, musique à vous, celle que vous rencontrez. Il y a ça, et moi je me suis mis en cheville avec un ingé son de là-bas aussi. Et il est prévu qu'il vienne avec son camion studio et qu'il nous chope en live sur place, quoi, tu vois, pour voir un peu. Donc le projet est déjà bien avancé? Non, il est bien avancé jusqu'à ce que je viens d'expliquer là. Mais voilà, après maintenant, il faut organiser tout. Pour relancer tout ça. Enfin, l'idée est déjà là, vous savez déjà ce que vous voulez faire. Après la Covid a vraiment tout chamboulé, faut tout recommencer. Ouais. Moi, j'avais pris contact avec la ville de Clarksdale, avec certains clubs, avec l'ingé son, etc. Oui, tout ça, c'était fait. Donc, si je les rappelle, ils sauront que c'est moi. Mais voilà, en fait, on ne peut pas dire quand même qu'on est dans un projet sur lequel on va partir dans 3 mois, 6 mois. Ouais. Non, c'est pas encore tout à fait. Dans les rencontres liées au blues, là, j'ai rencontré un guitariste texan. Alors lui, il joue du blues texan, blues rock. Donc très très très très punchy. Il s'appelle Neil Black. Et Neil Black, tant que j'ai vécu là-bas, je ne l'ai pas vu, et j'ai compris ensuite pourquoi. C'est parce que Neil a été arrêté dans son état natif du Texas, et il a été condamné. Et du coup, il s'est tiré des US, il est allé vivre au Mexique. Puis du Mexique, il est venu vivre en France. Et moi, je suis rentré des USA à ce moment-là, et je l'ai vu en France. Et sur scène, et donc je suis allé le voir, et puis je lui ai dit, mais tiens, il faudrait que je joue tel morceau. Et lui, c'était la première fois qu'il venait en France, il m'a dit, mais comment est-ce que tu connais mes morceaux? Ah ben, je lui ai dit, je connais tes morceaux, hein. Alors après, bien sûr, il descend, on boit une bière ensemble, etc. Et on a vraiment sympathisé avec Neil, et c'est lui qui nous a indiqué le studio Célestine chez Alain Brunet, là. C'est lui qui va enregistrer là-bas. Et qui a aussi proposé de poser des lignes sur nos morceaux. Donc sur le deuxième album, on devrait avoir quelques jolis petits chorus de guitare posés par Neil Black. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, un partage. Et encore une fois, sans contrepartie. Hein. Il ne demande rien. Hein. Il y a pas de... C'est vraiment pour le plaisir de faire plaisir. Quoi. C'est... Et je trouve que dans cette musique, il y a beaucoup de ça. Le plaisir de faire plaisir. Oui, c'est ça, le plaisir. On en parle souvent avec Albino, d'ailleurs, dans la musique. Du plaisir, oui. C'est de se faire plaisir. Bon, oui, arrêtez de vous emmerder. C'est déjà ça. Effectivement, moi je dis, comme des fois aussi, on voit des personnes qui disent, oui, moi je fais la musique, c'est pour l'argent, ceci, cela. Je pense qu'ils n'ont pas rien compris. Hein. Et puis, en général, bien sûr, si on arrive à en vivre, c'est super bien. Il y en a même qui font beaucoup d'argent avec ça. Mais c'est comme les footballeurs. Hein. Il y en a des millions qui sont licenciés, et puis il y en a quelques millionnaires, et puis les autres, ils payent pour jouer. Ouais. Et les musiciens, il faut savoir aussi que c'est un peu comme ça. Donc, si on ne se fait pas plaisir à le faire, c'est même pas la peine. Donc, déjà, première chose, c'est se faire plaisir. Essayer de partager avec les autres personnes. Je pense qu'on fait un truc, on en est fier. On dit, tiens, je vais le partager avec un tel. Oh ouais, c'est bien. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche et tout ça. Et effectivement, si on peut en vivre et tout ça, moi, j'aimerais bien que tous les musiciens puissent en vivre facilement. Heureusement, ici, j'ai la chance de recevoir des amateurs, hein, avec un grand A, hein, parce que pour moi, c'est des gens qui sont aussi valables que les autres, sauf qu'ils n'en vivent pas. Et il y a d'autres aussi, des professionnels qui, des fois... on se dit, voilà, je vais recevoir tel artiste, c'est des pros, attention, il faut que je fasse attention. Eh ben non, ça se passe super bien parce qu'ils sont vachement, vachement relax, vachement tranquilles. C'est leur métier, donc voilà. Comme quoi, il faut pas s'arrêter à quelque chose. On s'attend à quelque chose. Finalement, ça se passe pas toujours comme ça. Quand on aime la musique, qu'on soit professionnel, qu'on soit amateur, voilà, on partage un bon moment, on partage ensemble. Moi, je suis pas musicien, mais je suis comment dire musicophile. J'aime la musique. J'ai toujours aimé la musique. Bon, j'ai gratouillé, j'ai tapé sur les machins, j'ai fait des choses, mais bon, il y a rien de vraiment terrible. Donc, et je préfère écouter des vrais artistes qui eux m'en mettent plein la vue, et puis je passe un bon moment avec eux. Et voilà, le truc est là. Donc, déjà avoir des musiciens, avoir un public et puis passer un bon moment, c'est la première chose. Après, qu'on fasse du bénéfice de la soirée ou qu'on n'en gagne pas, ou bon, après c'est autre chose, c'est des banquiers, c'est des machins, c'est une autre gestion. Mais bon, moi ça me dépasse un petit peu ça, après. Voilà. Autre chose à rajouter ? Ah non, non, ouais, tu viens de dire le principal, c'est tout. Voilà, c'est se faire plaisir avant tout, aussi bien en tant que musicien qu'en tant que public, qu'en tant qu'organisateur. Voilà, que tout le monde ait du plaisir, c'est tout ce qu'on souhaite. Bah oui. Voilà. Donc première chose, se faire plaisir. Et puis après, effectivement, quand ça fonctionne bien, quand on fait un bon concert, quand le public il est là, quand on sort un album et qu'on est fier de le présenter en disant purée, j'ai fait un truc, je suis vachement content parce que c'est ce que je voulais mettre dedans qui en ressort. Bon, quelques années après, on l'écoute, on dit j'aurais peut-être fait autrement, mais bon, ça fait partie aussi de l'histoire. Voilà. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure quand j'ai entendu la chanson que tu passais du temps. Elle a changé cette chanson, tu sais, la chanson. Ouais, tout à fait. La chanson a changé et la manière d'enregistrer est peut-être aussi différente parce que on n'enregistre pas aujourd'hui comme on enregistrait dans les années 50 ou 60 voilà, ou 70 ou 80. À chaque fois, il y a des choses différentes. Mais même moi, je prétends qu'aujourd'hui, il faut utiliser un maximum les technologies qui nous sont apportées, parce que c'est vrai que quand on était jeune, on n'avait pas tout ça, et je parle comme un vieux con, comme à chaque fois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se permettre des choses qu'on ne pouvait pas il y a 20 ans, il y a 40 ans, et, ouais, 50 ans non plus, on était déjà. Mais le truc, c'est que voilà, il faut savoir les utiliser, et c'est pour ça aussi que c'est important de pas toujours renier les jeunes qui peuvent nous apprendre aussi des choses. Mmh. On a technologiquement, je veux dire, moi, il y a des jeunes qui m'apprennent des choses. Je dis merci, bravo, merci les gars. Ben, j'en apprends autre chose. On parlait tout à l'heure aussi des origines du blues. Et puis justement, à l'époque, il y avait des musiciens qui étaient extraordinaires aussi. Malheureusement, on n'a pas les enregistrements. Parce qu'à l'époque, voilà. Donc il y avait le côté technique qui manquait à cette époque-là. Pourtant, les musiciens étaient déjà là. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on se souvient de certains noms. Il y a quelques enregistrements qui ont été faits. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu conserver vraiment enregistrer ces artistes-là dans les conditions actuelles. Ça aurait été génial de pouvoir conserver ça. Donc, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on fait un CD, on peut se dire, tiens, peut-être dans 200, 300 ans, on pourra encore l'écouter. Bah, tu sais, mais le fait de le mettre sur Internet, il faut savoir que quand c'est sur Internet, maintenant, c'est parti à fond. Et pour c'est à l'infini, quoi. Mm-hmm. Donc, tu mets un titre sur Internet, il vogue, il va tout seul, il suit la vague. Et tu tapes sur un moteur de recherche et tu retrouves des morceaux improbables que tu t'imaginais même pas. Moi, je me suis vu une fois, j'ai une chanson, je t'explique, Marc, qui s'appelle Une bouteille de rhum, un pack de bière. Et cette chanson-là, elle a voyagé dans le monde entier. Parce que les gens l'ont fait tourner. J'ai vu des choses, je ne savais pas trop ce qui était marqué dessus, parce que c'était du cyrillique, j'ai vu des écritures. Et puis je voyais mon titre, toi, avec mon clip. Je voyais, j'ai vu en Allemagne, j'ai vu aux États-Unis, j'ai vu, toi, c'est une chanson qui a fait le tour du monde, comme ça, gentiment. Mmh. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai passé une version des Oreilles qui saignent, qui l'ont repris aussi, et qui se sont vraiment accaparés, parce qu'ils le chantent vraiment à leur manière à eux, avec l'accordéon et tout ça. Je trouve que c'est génial, quoi, ça passe super bien, quoi. Ouais, mais voilà, c'est pour ça, pour dire que voilà, aujourd'hui, on à partir du moment où on a mis un morceau quel qu'il soit sur la toile, on est devenu ceux qui vivent tout le temps, comment on dit, immortel, voilà. Tout simplement. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tant qu'Internet fonctionne. Mais Internet ne pourra pas. Maintenant, c'est parti. Ils ont lancé le truc. Maintenant, c'est impossible que ça s'arrête. Ou alors, il n'y aura plus. Non, mais ça s'arrête d'un côté, ça repart de l'autre. Et de toute façon, ça ne s'arrêtera jamais. C'est sans fin. C'est... Moi, je me souviens aussi quand Internet a commencé à sortir. Donc déjà, on commençait à numériser nos vinyles, nos enregistrements, même les CD, on les renumérisait pour pouvoir les avoir en fichier sur les ordinateurs et tout ça. Aujourd'hui, il faut savoir que tout le travail que nous, on l'a fait, mais des millions de personnes l'ont fait. Donc aujourd'hui, on a sur la toile la même chanson en je sais pas combien de versions différentes et tout ça. Et il suffit de taper un titre et on peut recevoir n'importe quelle version, des versions reprises, des versions d'origine, des enregistrements pirates, des choses comme ça. Et tout est sur la toile. Donc aujourd'hui, c'est la facilité de te trouver. Hein. Oui, mais c'est... Alors c'est peut-être un... Marc, il doit dire, mais putain, ces deux-là, ils n'arrêtent pas de parler. musicalement aussi, des fois, moi je trouve ça pas... Enfin, c'est intéressant, bien sûr, mais ça manque de vie. On voit des choses... Enfin, je m'explique. On parlait tout à l'heure de jam. Une jam, si tu veux, c'est un moment donné où on se rencontre, entre musiciens, sur un morceau, sur ce qu'on veut. Et là, il y a forcément... des sentiments, une émotion qu'on retrouve pas forcément quand on va voir Internet. Oui, c'est bien, c'est vrai, parce qu'on peut se retrouver, voilà, on peut retrouver un morceau, tout ça. Mais moi, c'est le côté live, côté partage, tout ça qui est pour moi important. Après, au-delà de ça, il y a aussi l'histoire des droits. Hein, ah ouais, mais ça, c'est-à-dire que les professionnels qui vendent, enfin qui vendaient des centaines de milliers de disques, aujourd'hui ils en vendent 20 000. Tout le reste s'est passé sur la toile. Je vois les enfants, mes enfants, ils écoutent du rap et toutes sortes de choses comme ça. Les gars, ils sortent un morceau toutes les 3 semaines. Ouais. Ah tiens, t'as écouté le dernier morceau. Pas. Tout a changé, quoi. C'est complètement différent. Mais en termes de revenus vers les artistes, c'est compliqué. Hein. Ah, bah complètement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est la scène. Il faut refaire de la scène. Et le problème aussi, alors, ça plaît ou ça plaît pas, mais il y a un peu n'importe quoi qui se retrouve sur scène, pour pas dire n'importe qui. Et qui font n'importe quoi et qui viennent, voilà. Et puis la scène a l'air de se mesurer maintenant de plus en plus au nombre de vues. Oui. Ou au nombre d'abonnés. Tout à fait. Vraiment, ce changement-là a été très très rapide. C'est pas très aisé de le. De faire avec, je trouve. Il y a des trucs compliqués à gérer, là. Pour nous, notre génération, oui, parce qu'on l'a vu arriver, voilà, et on l'a subi. Pour cette génération qui a encore 20 ans, eux, ils sont nés dedans. Donc, ils l'utilisent beaucoup plus facilement que nous. Et c'est pour ça que c'est ce qu'ils font. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait un spectacle, ça fait longtemps qu'on fait des spectacles, on avait pris des habitudes qui n'ont plus cours aujourd'hui, quoi. C'est vrai qu'on s'installait, voilà, on jouait, on essayait de faire venir le public, on jouait avec le public, et c'était le bouche à oreille qui faisait, tiens, on a vu tel concert, c'est bien, on va le voir, et tout ça. Non, non, aujourd'hui, c'est plus ça. C'est, tiens, t'as vu l'autre, il fait 20 000 vues. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bah, il y a toujours une révolution, parce que si on regarde à une époque, justement, le disque avait tout changé, parce que, avant, les musiciens, ils allaient à... voilà, c'était des troubadours. Ils allaient d'un endroit à un autre, ils jouaient, ils gagnaient voilà, le fruit de leur soirée, tout ça. C'est avec ça qu'ils vivaient. Et petit à petit, il y a des gens qui ont pu, à la limite, sans même faire de concert, vivre de la musique, ouais, en faisant juste un album. Il y en a comme ça qui sont très connus parce qu'ils ont fait un titre qui a super bien marché. Aujourd'hui, ils en vivent et puis ils n'ont jamais fait un concert de leur vie. Donc, quelque part, on peut très bien être un très bon artiste sur un enregistrement et sur scène, rien savoir faire. Eh bien, figure-toi qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai vu ça et je viens rigoler parce que, justement, ça remet un peu les pendules à l'heure. Mmh. Tu as vu qui une chanteuse belge, petite blondasse, qui est tombée, qui faisait une émission de télé et l'autotune est tombée en panne. Ah, ça, c'est embêtant, ça. Et ben, là, désastre. Et ben, elle l'a mal pris, et puis perd le public l'a allumé, quoi, parce qu'ils se sont aperçus que, ben oui, aujourd'hui, les trois quarts des chanteurs sans autotune, ils font pas grand chose. Mmh. Et donc, voilà, la technologie, là aussi, ça. C'est que, à partir du moment où ça tombe en panne, ben, ça dévoile qui tu es vraiment. Mmh. Et là, ça dévoilait qui est vraiment cette fille. Heureusement, elle n'est pas de chez nous. Très bien. Voilà. On continue à écouter un petit peu de musique aussi. Ouais. Juste un truc que je voulais dire, c'est que moi, tous les musiciens que j'ai rencontrés, notamment en blues, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal, on joue à l'état, enfin, ils jouent à l'état pur. Mmh. Il n'y a pas d'artifice. Une guitare se joue avec très peu de pédales. En général, la basse c'est pareil, la batterie c'est pareil, c'est toi, c'est ça. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans, en jazz, c'est deux catégories, si je peux me permettre, où on retrouve vraiment les instruments au naturel. Mmh. Ouais, c'est l'authenticité, c'est voilà. Vraiment le son, le vrai son, quoi. Et ça, c'est bon, ça. Il faudrait revenir un peu à ça, parce que justement, sinon... On revient à ça, parce que je pense que dans les années 80, il y a eu le début du synthé, on a fait un peu tout et n'importe quoi, on a essayé, hein, c'est pareil. Des nouvelles musiques ont été inventées, mais moi, je vois de plus en plus, hein, même parmi les musiciens que je reçois, ils cherchent le son de telle guitare, et puis c'est pas des guitares d'aujourd'hui, c'est des guitares des années 60, des années... On revient à l'authenticité, voilà, le son... À l'époque, c'était avec un transistor qu'on se faisait saturer, la distorsion était comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, non, il y a tellement de machins qui peuvent imiter tous les effets, mais eux, ils veulent revenir à l'authentique. Et l'orgamon avec sa bande. Voilà. Voilà. Et quand la bande a pété. Voilà. Après, il y avait aussi les. Ah ouais, non, mais toi, mais c'est des vieux qui peuvent parler de ça. Mais moi j'ai vu aussi des concerts où qui étaient amplifiés avec le son, les lumières et tout ça, et des fois justement poum, plus rien, plus d'électricité, et j'ai vu des gens continuer à faire leurs concerts en acoustique. Ils demandent aux gens de revenir. Ça s'est passé ici aussi, ouais, on l'a déjà vu. Donc effectivement, et là on dit, ben là on peut plus tricher. Il y a plus d'effets, il y a plus rien du tout. Il y a une guitare, une voix, des percussions. Voilà, on fait de la musique et ça marche et ça marche. Et ça marche. Et alors, c'est là qu'on voit les vrais artistes. Le retour à l'essentiel, la base. On a eu le cas nous sur un concert comme ça, un gros orage, pouf, plus rien. On dit, ben allez, on continue. Et c'était... Voilà, tout le monde s'en souvient, quoi. Tout le monde s'en souvient. En fait, c'est vrai que les gens... Il trouvait des cordes, tout le monde était amassé un peu à l'abri, là, t'es chez Franck, là, et voilà, et c'était bien, quoi, c'était très bien, même. C'était un chouette moment. C'est la magie, comme quoi... Le partage, on revient toujours à ça. Vous auriez su qu'il allait pleuvoir et tout ça, on ne l'aurait pas fait. Et là, finalement, devant le fait accompli, bah, qu'est-ce qu'on fait? Oh, bah, on continue, maintenant c'est fait. Et voilà, allons-y. Voilà. Moi, ça m'est arrivé en bas, là, dans la salle. On a une salle en bas. Oui, oui. Et pareil, on avait fait balancer tout ça. Et au moment du premier accord, hein, pas le deuxième, le premier accord, brum, bah, plus de son, plus d'image. Plus rien. On avait mis une heure et demie de balance et tout. Là. Et heureusement, j'étais avec des musiciens, donc sauf le batteur, parce qu'il y avait une batterie électronique, donc il n'a pas pu jouer. Mais autrement, j'avais des accordéonistes. J'avais un accordéoniste et puis je ne sais plus quel instrument, un flûtiste aussi. Ouais. Mais du coup, on s'est mis au pied de la scène et puis on a joué comme ça. Voilà, et les gens s'en souviennent encore. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On écoute un petit peu de musique parce qu'on a plein de morceaux qu'on n'aura pas le temps de diffuser. Mais bon, ça serait bien qu'on puisse avancer un petit peu. Alors, je continue avec un album. J'espère que je choisis les bons. Hein. Choisis ce que tu veux. Fais-toi plaisir. On parlait de bluesman français, là, en voilà un beau. Bah oui, justement, c'est pour ça. Alors, je te laisse le présenter. Bah, c'est Jean-Jacques Milteau. Hein. Ah, bah oui. Jean-Jacques Milteau, quand même, qui reste une grosse, grosse référence de l'harmonica française. Ah, bah oui. Bien sûr. Et le premier morceau, il est très beau, il est court, il est très joli et juste posé comme ça pour lancer son album. Là, c'est très, très bien vu. Et le morceau s'appelle Wouche. Wouche. Wouche. C'est parti. Wouche. Thank you. c'était plusieurs morceaux à la suite, donc dans la catégorie blues, Jean-Jacques Milteau avec un morceau qui tient drôle de bruit. Oui, je pense que c'est les chaises qui tournent. C'est la chaise. C'est la chaise, il faudra l'agresser un petit peu. Donc, c'est pas encore moi. Et juste après, on vient d'écouter Drive to Amnesia, qui était notre dernier groupe invité, donc ça fait il y a 15 jours, puisque la semaine dernière, j'ai pas pu faire d'émission. Drive to Amnesia avec un morceau, alors ça s'appelle First Sight. Voilà, je pense que je l'ai bien dit, ou bon, enfin j'ai fait pour le mieux. En tout cas, on avait passé un bon moment avec eux. Ce soir, c'est le tour de Sugar Cane, et Marc, le batteur, est ici dans le studio. Donc là, pour l'instant, c'est les premiers contacts. Voilà, ça fonctionne bien. Je pense qu'il va être obligé de revenir dans quelques mois avec ses compatriotes. Donc ils nous viennent de Grenoble. Et donc on va continuer à découvrir des morceaux. Et justement, on a réussi à récupérer le morceau. Voilà, on a un morceau qui est calé du nouvel album, donc qu'on diffusera tout à l'heure. Pas tout à fait du nouvel album, celui-là. J'aimerais bien. Hein. Ah bon, non, le morceau que je te propose là, que je propose à tout le monde, c'est un morceau typique de ce qu'on appelle aujourd'hui le Mississippi Blues. D'accord. C'est-à-dire binôme guitare-batterie, et c'est donc Cedric Burnside qui joue. Voilà, typique de ce qui se fait sur cette scène du Mississippi Blues actuellement. C'est vrai qu'on était plus sur le fait qu'on n'arrivait pas à récupérer le morceau, donc on travaillait plus là-dessus. Du coup, on n'a pas eu le temps de parler vraiment du morceau lui-même. Et je propose qu'on l'écoute juste après. On fait comme ça. Allez. Donc on va essayer de voir. Voilà, je l'ai mis quelque part. Et voilà, on l'écoute tout de suite. Allons-y. C'est parti. Oh, I am. ça sonne. Et jusqu'à la dernière note, hein. Franchement. Oh, ouais, ça groove bien, ça sonne. Ah, ouais. Je voilà, trouve que ça... ils sont deux. Ah ouais? Ah ouais. Bon, il y a la choriste. Ah. Et lui, et Cédric, il est batteur, là. D'accord. Donc, il y a un guitariste qui lui fait le riff, là, qui est très lancinant, qui tourne son oreille. Il chante et il joue la batterie. Oh, ça sonne bien. Hein. Mm-hmm. Ça me fait penser quand même à un petit... Je sais pas pourquoi, j'avais une petite image de ZZ Top derrière. Dans le fond, toi. Ah, ouais, c'est un peu le même groove, peut-être. Ouais, ouais, j'avais un petit peu dans le fond, ouais, je les voyais bien, les barbus, enfin, le barbu maintenant, mais faire ce genre de musique. Ouais, ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment comme ça. Ça, c'est une chanson en hommage à son oncle, hein, donc, qui était un grand bluesman, R.L. Burnside, comme il le chante tout le temps. Et voilà, c'est une chanson d'amour vers son oncle directement, quoi. C'est bien. Bravo. Ouais. En tout cas, superbe morceau. Et puis, on a réussi à le diffuser. Et en plus, la qualité était super bonne. Donc, voilà. Alors, ça nous fait vraiment plaisir. Parce que des fois, on est dans des conditions où on explore un petit peu certaines choses. Mais on le fait en direct live. Voilà. Beaucoup de radios ne feraient pas ce genre de choses. Voilà. On est dans l'émission Mavericas sur Radio Arc-en-Ciel uniquement. Et puis, on a les meilleurs artistes de la région. Et d'ailleurs, qui viennent jusqu'à nous dans nos studios pour interpréter des morceaux en live. Alors, ce soir, il n'y a pas de live puisqu'il y a le batteur qui est tout seul, il n'a pas amené sa batterie. Mais prochainement, donc Sugar Cane dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec du matériel. En tout cas, aujourd'hui. Avec plaisir. En tout cas, aujourd'hui, on a découvert plein de bonnes choses. Et justement, là, j'étais sur Facebook tout à l'heure, donc je regardais un petit peu les petits messages des gens qui nous ont envoyé un petit message, hein, voilà. Donc Hervé qui nous dit un petit Michel Noir Trio avec nos bons Michel Panther Noir, Phil Caster et Bruno Harpo. Donc voilà des artistes de la région qui font aussi du blues. Et c'est vrai que si on regarde bien, on en a reçu un paquet des gens qui font du blues ici. Et donc on parlait tout à l'heure des blues Factory, Blues Company, il y en a eu un paquet. Si on regarde bien, ça serait bien un jour de faire un spécial blues avec tous les artistes de la région et du moins tous ceux qui sont venus déjà dans l'émission Mavrica, hein, ça serait super bien. Et c'est vrai que le blues... Il faudra pousser les murs. Donc voilà, donc je lui ai dit, voilà, j'ai pas tout sous la main non plus, donc je rechercherai un morceau et les prochaines émissions, on diffusera avec beaucoup de plaisir ce morceau. Il y a aussi Arnaud qui a écouté le morceau Résidence en début d'émission, donc un morceau de son groupe, hein, c'était le groupe Odeon, qui nous dit une bonne émission. Christophe qui nous a envoyé un petit message tout à l'heure par téléphone, qui nous dit, voulait Gary Moore, et on l'a diffusé, donc il est content, il est super heureux. Donc merci à tous les gens qui nous ont laissé un petit message, hein. Il est encore temps de mettre un petit message, ça nous fait toujours plaisir. Il y a aussi, je voulais faire un petit coucou à Florent. Alors Florent, pour ceux qui connaissent pas l'émission, alors c'est la personne qui enregistre les programmes et qui les met sur le podcast donc de l'émission. Donc il va nous envoyer un lien qu'on partagera et que je te donnerai aussi, Marc. Comme ça, tu pourras récupérer l'émission pour pouvoir la réécouter tranquillement. Très bien. Et puis donc c'est toujours des bons souvenirs. On garde ça avec beaucoup de plaisir. Et on remercie Florent pour tout ce qu'il fait parce que ça fait déjà quelques années qu'il nous récupère tous les podcasts. Et voilà, il fait partie de l'équipe de Maverick, hein, voilà. Complètement. Et pas que de Radio Arc-en-Ciel en général. Voilà. Oui. En tout cas, merci beaucoup en tout cas à toi, Florent. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc la semaine prochaine, lui, il pourra pas l'enregistrer. Donc ça sera la dernière émission avant les vacances pour moi aussi. Donc je ferai peut-être un petit récapitulatif. Ou alors je ferai comme la dernière fois, j'ai réussi à l'enregistrer de chez moi. Donc je remplacerai notre ami Florent pour une fois. Voilà. Ah ouais. Voilà. C'est comme ça. Très bien, donc on va continuer dans l'exploration de la musique blues avec des morceaux que tu nous as apportés, Marc. Alors tu m'as dit tu en as sélectionné un autre, alors qui vient de cet album que tu vas nous présenter. Voilà, donc ça c'est évidemment un autre artiste français que je ne voulais absolument pas passer sous silence. C'est Nico Wayne Toussaint. Nico Wayne Toussaint, c'est un harmoniciste également, qui est au Blues Hall of Fame, comme on dit, temple de la renommée, là. Et qui, quand on était en studio à Pau, il a débarqué dans le studio. Voilà. Il rentrait de tournée, il habite pas loin, il savait qu'on y était, il n'avait pas prévenu, et il s'est pointé là, et il nous a dit, je vous emmène tous chez moi, on va manger tous ensemble. Et c'est quand même pas le premier venu, Nico, quoi. Et mais avec une gentillesse et un naturel absolument désarçonnant, on s'est retrouvé chez lui, dans sa famille. Il a ouvert le champagne, il a dit un nouvel album, ça se fête, et on a passé une soirée extraordinaire, voilà, chez Nico Wayne. Donc voilà, je voudrais bien sûr le remercier, mais aussi jouer au moins un morceau de Nico, quoi. Donc on va écouter un morceau. Alors le morceau que tu as choisi, c'est Walking Down College Street. Voilà, c'est bien le bon titre. Walking c'est Down ça. College Street, oui. Voilà, c'est ça. On écoute ça tout de suite. Donc il va y avoir l'harmonica, ça. J'espère. Il y a des chances quand même. Il y a des chances. Non, mais c'est vrai que l'harmonica, c'est quand même quelque chose de particulier. On le retrouve encore dans des morceaux de rock et tout ça, parce que finalement, ça vient de là aussi. Et le rock vient du blues. Hein. Ouais, et voilà, l'harmonica, ça donne une couleur différente et ça nous fait penser forcément aussi aux États-Unis, quoi. Les trains, l'harmonica, voilà, ça fait partie du grand folklore. Et donc, on va écouter ce morceau avec beaucoup de plaisir. C'est très marrant. Enfin, moi, c'est la première fois que je travaille avec un harmoniciste au jour le jour, là, au sein de Sugarcane. C'est très marrant comme ils travaillent leur instrument et comme ils détaillent le niveau de travail de l'instrument. On pourrait croire, OK, c'est un truc, je sors ça de ma poche et puis c'est bon, ça va aller, quoi. Mais pas du tout. C'est pas du tout. C'est d'une complexité, mais ahurissante. Ah oui. Ahurissante. Alors moi, j'ai vu aussi plusieurs harmonicistes. On a de la chance d'en avoir de très bons aussi dans la région. Et justement, quand les voient, on dit, bon, ils ont juste l'harmonica, ils sortent de leur poche. Non, ils ont une trousse où il y en a une quarantaine dedans. Et suivant le ton, suivant les trucs, ils choisissent tel harmonica, c'est celui-là, c'est pas un autre, etc. Et ça me rappelle encore plein de choses. C'est que tout à l'heure, j'ai passé un morceau de Long Tom, c'est celui qui est l'harmoniciste de Phil Twenge dans Phil Twenge, et lui justement il a pas la notion de la note, donc apparemment c'est Phil qui lui dit en ré, hop, il va chercher son harmonica en ré, etc. Donc c'est marrant ce truc là et après derrière, une fois qu'il a l'harmonica dans la bouche, alors là c'est fabuleux, ouais, quoi. Un peu comme ça aussi, François Weiss, Dominique Vallade, ouais. Tout à l'heure Bruno Arpaud, voilà, Arpnaud, voilà des gens qu'on connaît, on sait que ce sont de très bons harmonicistes. Et en plus, la particularité aussi de l'harmonica, c'est que souvent il y a un groupe qui est en place et ils peuvent s'intégrer dans le truc, ils arrivent, ils font un petit machin. Et voilà, ça, c'est la magie en plus. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois, ça. Il y en a, ils sont très forts pour ça, justement, pour voir un groupe sur scène, leur demander de jouer avec eux, ils montent sur scène, et puis voilà, ils font un petit truc à l'harmonica, c'est génial, quoi. Voilà. Ah ouais. Donc, on écoute tout de suite donc le morceau de Nico Wayne, Toussaint. Thank you. jusqu'à la dernière note, un superbe morceau à l'harmonica, donc interprété par Nico Wayne Toussaint, et le morceau s'appelle Walking Down College Street. Voilà, donc on arrive à la fin de l'émission, il est temps, puisque un ordinateur s'est senti mal, il s'est éteint, donc je sais pas ce qui se passe, donc je vous rappelle pas la petite musique de fond, je pense qu'il a chaud. Donc on vient d'écouter ce morceau choisi par Marc, le batteur du groupe Sugar Cane, qui est notre invité ce soir. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un message particulier à faire passer auprès des auditeurs ? Continuez de sortir, continuez d'aller voir des concerts. Il y a beaucoup, il y a une grosse scène locale. Profitez-en. Voilà. N'arrêtez pas ça. Je sais que les habitudes ont changé avec cette période bizarre qu'on a vécue. Beaucoup de gens ont modifié leurs habitudes de sortie. Revenez à des choses spontanées, naturelles, plaisantes. Faites-vous plaisir. Faites plaisir aux musicos qui sont sur scène. Voilà. Je ne peux qu'encourager ça. Et faites-vous plaisir. Oui, c'est vrai. C'est le mot. Faites-vous plaisir. Parce que pourquoi, hein, pourquoi ne plus sortir ? Il y a des spectacles. Il y a de la musique. Il y a du théâtre. Il y a plein de choses. Et pourquoi ne plus peur de quoi ? Ouais, il y a le Covid, on nous a fait beaucoup peur, mais aujourd'hui, bon, il va falloir reprendre la vie normale, puisque de toute façon, on va pas s'en débarrasser comme ça. Et de toute façon, il y a aussi le fait que même si maintenant on se libère un petit peu, on a pris des mauvaises habitudes à rester devant la télévision, à plus sortir le soir. Et puis, c'est un peu dommage de passer à côté de plein de choses, parce qu'il y a plein de bons moments à partager encore. Hein. Quel que soit le style de musique, sortez, allez. Prenez des risques, allez voir des groupes des fois que vous connaissez pas, qui sont parfois des groupes locaux, et des fois on prend des bonnes claques. Hein, parce et c'est franchement surtout prendre le risque de se faire plaisir. Ouais, ouais. C'est surtout ça. Il y a beaucoup de bons musiciens, il y a beaucoup de belles propositions, et il faut aller les tester, il faut aller les essayer, il faut les encourager, c'est chouette. Et surtout, voilà, parce qu'en fait, parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure en antenne, c'est vrai que les gens vont se déplacer parce qu'il y a un machin qui est passé à la télé, et voilà, donc lui, on lui fait confiance parce qu'il est passé à la télé. Mais avant de passer à la télé, il a fait comme les copains, il a ramé, hein, voilà, il y a une porte qui s'est ouverte un jour, il a eu de la chance. Mais tous les artistes qui passent à la télé ou sur Internet, n'importe où, ils ont tous commencé comme tout à chacun, voilà. Ils ont pris des cours, ils ont ou pas, ou ils ont écrit, ils ont composé, ils ont mis à chanter devant des copains, et puis voilà. Tiens, la musique est revenue. Ouais. Formidable, hein, j'ai réussi à redémarrer, donc j'ai remis la petite musique de fond. Hein. On a l'habitude de parler dessus. Bah oui, c'est une habitude quand même maintenant. Ouais, donc je disais, voilà, il faut y aller voir, mais pas que des, entre guillemets, vedettes. Mmh. De toute façon, des fois, c'est plus intéressant d'aller voir une personne qui débute ou qui va... On sent des fois les gens qui vont devenir des stars. Et... Mais voilà, si on peut les voir avant, juste à leur début, mais après se dire, bah oui, je l'ai vu débuter et c'était bien déjà à l'époque. Voilà, hein. Et on a cru en beaucoup d'artistes, hein, qu'ils ont venus dans l'émission. Bien sûr. Et on est fiers de savoir que certains, franchement, ils tournent, ils avancent bien. Il y en a certains qui ont changé de groupe, ils ont évolué. Voilà, on a vu toute une évolution pendant ces 13 dernières années dans l'émission Mavrika, avec plein d'artistes de la région qu'on a vu changer de groupe, s'améliorer. Travailler, réussir à faire des choses formidables, hein, ça. Et puis après d'autres qui ont laissé tomber, qui ont fait la musique pendant un certain temps, qui se sont consacrés à autre chose. C'est la vie, voilà, c'est comme ça. Mais en attendant, il y a une chose qu'on ne pourra pas nous enlever, c'est les moments qu'on a passés ensemble, en tout cas, lors des concerts ou lors des émissions. Donc voilà, c'est pour ça. C'est un moment de notre vie. On l'a fait, on le refera peut-être plus jamais de la même manière. Mais en attendant, voilà, les bons moments qu'on a passés, ben, on ne regrette pas de les avoir partagés. Voilà. Et on aura aussi une mémoire pour, parce qu'il y en a qui nous ont quittés, hein, quand même des gens qui sont passés sur le plateau et puis qui sont partis parce que c'était l'heure, comme dirait l'autre, hein, c'était l'heure. Ouais. Hein. Mais tout ça, bah, ça laisse, et c'est pour ça qu'il est important d'aller au spectacle, parce que voilà, on va partager des choses qu'on sera les seuls à vivre, parce qu'individuellement, on vit chacun les choses de notre façon, à notre interprétation. Et ça nous force des souvenirs. Et c'est vrai qu'à l'heure d'Internet, c'est comme tous ces gens, quand ils vont voir un concert, ils allument leur portable, alors au lieu que de profiter de la... J'ai jamais compris. Tu vois, les gens, ils regardent ce qu'ils sont en train de regarder sur scène à travers leur téléphone. C'est bon, ça, moi, ça me laisse pas en toi. C'est malheureux. C'est un peu du gâchis. profitez de la vie, profitez c'est du ça. Moment, on ne sait pas de quoi sera fait demain, mais quand vous avez un bon moment à vivre, vivez-le à fond. Moi, profitez du moment, ouais. C'est ça. Voilà, pendant ce temps-là, je lisais aussi les petits messages. Donc, Phil Tanguy, lui-même, m'envoie un petit message. Merci, Albino, pour avoir diffusé son nouvel album qu'il m'a envoyé. Moi, ça me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup d'artistes comme ça. Si vous voulez le faire, vous le faites aussi. Hein, je n'oblige personne. Mais quand vous sortez un album, vous avez envie de le partager, vous me l'envoyez soit en fichier l'adresse mail mavrika@live.fr ou alors le CD en physique. C'est encore mieux parce que ça me permet, moi, je vais d'ailleurs ce soir, j'ai un CD de plus dans ma collection. C'est le CD de Sugarcane que je lui ai demandé à Marc de me dédicacer. Et c'est ma fierté. Moi, j'aime bien. Alors, souvent, je les numérise pour pas avoir les trimballés parce que j'ai peur de les abîmer. Et j'ai même certains CD où j'ai la pochette, j'ai plus le CD. Pourquoi? Parce que je l'ai oublié un jour dans un lecteur et j'ai jamais retrouvé. Et ça me fait beaucoup de peine. Donc, pour ça, maintenant, je prends l'habitude de les numériser. Comme ça, je suis sur mon ordinateur et j'essaie de les diffuser au maximum. Mais enfin, bon, donc, Phil, lui, l'a envoyé à l'adresse de l'association Mavrika. Et puis je lui en remercie en tout cas, et puis j'ai écouté son album avec beaucoup de plaisir sur ma chaîne chez moi avant de le partager avec les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Ouais, c'est toujours agréable. L'objet me plaît encore. Bon, j'ai quand même la nostalgie des 33 tours parce que c'était quand même un peu plus grand. Plus grand. Mais voilà, aujourd'hui on numérise tout, mais voilà, moi, c'est ce que je disais à Marc. Je trouve très joli cet album. La pochette est très belle. Et alors, voilà, c'est un univers. Et moi, je dis bravo. Et j'aime bien les beaux objets. Ça y est, moi, j'ai mes dédicaces déjà. Merci, voilà. Merci. Très bien. Donc, on va écouter encore un morceau, justement, de l'ancien album, en attendant le nouveau. Hein, le nouveau qui devrait arriver vers le mois de novembre. Novembre, ouais. Voilà, octobre-novembre, on va dire plutôt. On est pressé, c'est pour ça qu'on est en veille. Ça arrive un peu plus tôt. Bon, pas tant que ça, en fait, parce que... Bah, on a déjà celui-là à découvrir. Oui, déjà, voilà, il faut découvrir cela. Et puis, en plus, profitons de l'été, encore un peu, quand même, parce que tu parles de novembre. Oui, on n'est pas pressé d'arriver en novembre. N'empêche que ça nous réchauffera pour nos soirées un peu plus fraîches de... Et là, on se mettra sur le canapé avec un bourbon et un bon cigare. On va écouter donc l'avant-dernier morceau de cette émission, hein, sachant qu'on n'aura pas diffusé tous les morceaux de cet album. Alors le troisième morceau qui s'appelle... Shame, shame, shame. C'est ça? C'est shame, shame. C'est lui. C'est ça. On l'écoute? Ce sera pas le dernier, mais tu nous en parleras juste après. Shame on you. On fait comme ça. Shame on you. Sense. on arrive à la fin de cette émission. Il y a toujours un hibou qui chante dans le studio. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est un hibou, hein. Ça doit être ça. Donc, on arrive à la fin de cette émission numéro 514. Et, notre invité, c'est Marc du groupe Sugarcane qui est venu de Grenoble. Donc, pour nous présenter l'univers de ce groupe, hein. On a découvert beaucoup de choses à propos du blues. Cette musique qui nous touche tous, hein, parce que toute la musique qu'on aime, elle vient de là. Et donc, on va dire les phrases magiques aussi. Tu te souviens des phrases magiques de l'émission Africa? C'est vrai que des fois, je suis tout seul, j'oublie de les prononcer, mais la première, c'est que le rock'n'roll soit avec vous. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Et une vie sans musique serait une erreur. Voilà. Et on va modifier un petit peu, ce soir, on va dire que le blues soit avec vous. Et ouais, parce que c'est toute la musique bon. Qu'on aime. Voilà, là c'est le petit coucou de Irène, notre auditrice très fidèle, qui nous fait un petit coucou à la fin de chaque émission. Merci Irène de nous avoir écouté une fois de plus. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir à écouter la musique du blues. Voilà, je sais que tu aimes le rock, le blues en général, et que tu écoutes toutes les émissions de Mavrika depuis déjà des années. Hein. Il y a déjà des heures et des heures d'écoute. Hein. Ah oui, non, là, il y a des heures d'écoute. Hein. En tout cas, un gros bisou Irène, et puis à très bientôt. On va souhaiter une très bonne soirée à tout le monde. Merci à toi Marc d'être venu, de t'être déplacé pour l'émission Mavrika. À bientôt, on va dire. Oui, à très bientôt. Hein. Merci Albino, merci David. C'était chouette d'être là ensemble dans le studio. Oui, c'est cool. On espère pouvoir aller assister justement à vos concerts, parce que là, ça nous a franchement donné envie. Hein. Oui, c'est clair. Déjà, ça nous donne envie de sortir un petit peu. Je vous tiens au courant. Donc, on se tient au courant. De toute façon, quand vous passerez, on mettra aussi l'annonce. À chaque fois qu'il y a quelque chose à annoncer, on le met sur l'agenda de Mavrika, le nouvel agenda de Mavrika, parce que depuis le Covid, on s'est dit, tiens, on va en faire une nouvelle page, parce que l'ancienne, de toute façon, était bloquée, et on s'est dit, on va en faire une nouvelle, où on a mis donc tous les événements qui se passent dans la région et ailleurs, parce que des fois, il y a aussi des artistes de la région qui vont jouer plus loin, et on partage aussi justement ces événements pour que les gens, ils les encouragent, continuent d'aller au concert et aller voir les artistes sur scène. Quelque chose d'autre à rajouter ? Je sais que si on commence à rajouter les choses, on est là jusqu'à 4 heures. Voilà, donc, mais bon. Un très beau moment, très heureux. Ah ben, c'est pas fini, parce que après l'émission, on va rendre l'antenne, hein, ce qui est, donc on va pouvoir faire. Les filles arrivent, les bouts. Fallait pas le dire, Fallait pas le dire. Donc, après, on prendra un petit peu de temps pour discuter ensemble. Et puis, on prendra aussi des photos, hein, qui nous serviront de souvenirs pour les prochaines émissions. Et puis, après, c'est bien aussi de voir les photos. Moi, des fois, je vois des photos 13 ans, ça commence à dater. Ouais. Donc, quand on voit les photos du début, on se dit, ouais, on a pris quand même un petit coup de vieux. Un petit coup de vieux, ouais. Mais voilà, ça fait partie de l'histoire. Un petit peu dans bon point, un petit peu moins, c'est normal, c'est bien. Mais voilà, ça fait partie. En tout cas, on laissera des traces. Vous cherchez Mavrika sur Internet. Et si vous n'allez pas vers les pays de l'Est, ben vous allez sur nous, parce que sur Orléans et en France, pratiquement, c'est ça. Et après, Mavrika, on peut expliquer à nouveau pour ceux qui ne savent toujours pas. Normalement, ça se prononce Mavrica, parce que c'est en slovène, et ça veut dire arc-en-ciel, tout simplement, comme la radio qui nous accueille depuis plus d'une décennie, 13 ans exactement. Voilà, cette émission est terminée. Merci beaucoup, Marc. En tout cas, on a passé un super moment. Je crois qu'on va encore passer quelques moments derrière. Et puis, on va encore parler de musique. Et puis, on continuera d'échanger jusqu'à ce que vous puissiez revenir dans l'émission. Et puis, au plaisir de vous voir aussi sur scène. Merci, Albino. On se quitte avec le dernier morceau. Allez, le dernier morceau. Attends. Il s'appelle Walking Blues. C'est ça. Un vieux blues de Robert Johnson. Un très, très vieux. D'accord, donc je suis en train de dire au lecteur de caler ce morceau-là. C'est parti, donc à très bientôt, à la semaine prochaine, hein, pour mon cas en tout cas. Si vous avez envie de passer dans l'émission, j'ai pas d'invité, donc c'est pas prévu encore pour l'instant. Donc si t'es dispo, on viendra. Et on fera un petit récapitulatif de tous les moments qu'on a passés dans cette émission Mavrika au cours de cette dernière année. Et peut-être on remontera dans les années précédentes. On a de quoi faire, hein. On peut encore en faire des heures et des heures. Allez, cette émission est terminée. Surtout je vous souhaite... maintenant, on va être écouté à Grenoble, je suis sûr. Ouais. C'est-à-dire c'est le cas ce soir. Voilà. Donc après, les gens, ils prennent l'habitude, ils disent, tiens, mais qu'est-ce que c'est cette semaine? Et puis voilà, et puis après, ils s'accrochent, et puis voilà. Et voilà. C'est comme ça qu'on a des gens qui nous écoutent à New York. Je sais pas, je regarde le coin de la vitre et je me souviens qu'une fois on avait reçu une carte postale qui était restée là un certain temps, que je n'ai pas pu récupérer malheureusement, qui nous venait du Pérou carrément, ouais. Où on nous écoutait. Et alors on se dit, mais comment des gens nous écoutent du Pérou? Comment ils ont fait pour découvrir l'émission Mavrika? Et après on a compris effectivement que bon, Radio Arc-en-Ciel est écoutée par toute la communauté portugaise. Et donc il y avait une personne qui habitait en France, qui écoutait Radio Arc-en-Ciel et qui avait découvert l'émission Mavrika dans laquelle il y avait des artistes orléanais. Et donc quand elle était au Pérou, elle avait un peu la nostalgie, parce qu'elle a été habitée là-bas, elle avait la nostalgie d'Orléans et des groupes orléanais. Donc elle écoutait Mavrika et nous envoyait un petit courrier. Et le pire, c'est qu'elle est, le pire, le mieux, je dirais, c'est qu'elle écoutait avec des gens, des Péruviens qui connaissaient pas du coup les groupes français, mais qui écoutaient et découvraient la musique française grâce à l'émission Mavrika. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça, c'est encore un petit clin d'œil qu'on peut faire à tous les gens qui nous écoutent. Merci de faire connaître l'émission Mavrika, parce que un jour, c'est là qu'on écrit l'histoire du rock'n'roll orléanais, ouais. et plus. Voilà, je vous remercie en tout cas et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour l'émission. À très bientôt Marc, avec le groupe au complet. On va souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, bon week-end, bonne semaine. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la 515e. Bonne soirée. My shoes, your number down, baby. I did my rock and blues. Woke up this morning, I feel wrong for my shoes. To go around the blend, I've been mistreated. I don't mind living this morning. I had to go around the blend. I've been mistreated. I don't mind them. entraste no salão. Os decibéis daquele rock correio a provocar muito desmaio, muito suor e comoção. Mas nem assim puseste os olhos em mim e saíste antes do fim, uma desconsideração. E ali fiquei de novo a cantar sozinho. Eu sou do rock, não te deixes enganar pelo meu fato de gala. Cá dentro há uma alma inquieta, está sempre à espreita pelo moche nesta sala. Eu sou do rock e vou mostrar a todos o rock que o fado tem. Sou todos juntos, sou nascido para os putos que anseio pela festa, sou guitarra, sou cowboy. Foi o sucesso e toda a gente me cria, até a mulher vadia que de tanto me destratou. Diz que era fã, que me via no ecrã e que eu era o galã com que ela sempre sonhou. Mas já é tarde e esse coração alarde e terceiro em cobarde não o quero mais para mim. Fechei os olhos e cantei para ti assim. Eu sou do rock, não te deixes enganar pelo meu fato de gala. Cá dentro há uma alma inquieta, está sempre à espreita pelo moche nesta sala. Eu sou do rock e vou mostrar a todos o rock que o fato tem. Sou todos juntos, sou rastilho para os putos, que anseio pela festa, sou guitarra, sou pop-mãe. Eu sou do rock. Importar que não siga esse tom, por mais baixo.